Allô? Hello, Hello. mon Dieu, t'es back. On dirait que c'est Discord, là, qui drop mon audio out of the blue. Discord, pourquoi tu fais ça? T'as-tu essayé de repartir sur Discord? Ben, j'ai reparti le call, là. Non, mais t'as-tu essayé de partir de Discord au complet, je sais pas. Non, j'ai pas eu le temps, là, je suis là. Ah, Ça aurait été plus long que ça. ok. Nous sommes le jeudi 22 juillet 2021. Vous écoutez, on a juste une vie, épisode 325. Je suis Narf. Et je suis Anne-Marie. Et j'ai mieux réussi cette intro que la dernière qui a pas marché. Ah, bon ben tant mieux. Je sais Parce pas, je l'ai que pas entendu. il y aura au moins eu... Ah, je cherchais mes mots. Je cherchais... Ah. Écoute. Ah, merci, merci. Je sais que c'était une bonne Excusez. intro. Excellent travail de coopératif entre moi et mon cerveau et aussi Anne-Marie un peu. Et lire la date en bas à Et droite lire sur la Windows. date. Tu l'as-tu Et lire arrangé le là pour qu'elle numéro. soit en lettres? Non. Fuck. Et lire le numéro du podcast. Et Yeah! hey, pouvez-vous croire ça là, que je suis pété de même là, et ce après trois siestes? Je pense que t'en as peut-être trop fait. Je pense que t'as atteint la limite. T'as découvert la limite là. Trois siestes, c'est peut-être pas Mais c'est mieux. pas des méga siestes, je pense qu'il y en a une, c'était 20-30 minutes, puis deux de 45. Ben quand même, là. Malgré que je dis ça, je devrais pas dire ça, là, mais ma sieste a C'est duré encore deux bonnes heures. J'ai le temps de Je sais. faire des rêves là, dans mes siestes, là. J'ai le temps de partir, là. Ouais, quand tu Les pars rêves en de sieste REM, sont c'est... plus weird que les rêves de nuit. Tu trouves-tu? Je le sais pas, depuis que je fais des grosses siestes la nuit, je fais pas des grosses nuits. Fait que genre, je fais des rêves weird dans là. On dirait que c'est quasiment le même état, genre. Je sais pas. Bonne question. C'est vrai que celui-ci était pas mal bizarre. C'était un stealth game, par exemple. Moi qui est pas une fan de stealth game, là. Mon rêve de sieste aujourd'hui, c'était un stealth game. What? Tu rêves à des jeux, toi? Ben, c'était pas un jeu, mais c'était ça le but. Genre, fallait que je sneak out de chez quelqu'un, pis fallait pas que ses parents me pognent. Fallait pas que, genre, les voisins me pognent, pis fallait pas que personne me... Pis là, fallait que, genre, je le voie entre les voitures pis les haies de cèdre pour sortir de là, genre. Non, je rêve pas nécessairement à des jeux vidéo, mais mes rêves sont parfois des concepts qui sont applicables. Faut que tu t'échappes Mais quand des on amis, fait des fois. du grandeur nature aussi, comme c'est pas mal un classique là, que les rêves sont à moitié genre dans un système de règles prédéfinies là. Non, attends! Je lance mon dé! Attends! J'ouvre mon petit papier de spell, je Ah, lis fais mon pas ça en spell! grandeur nature, t'es drôle toi. Tu penses C'est qu'on lance pas. des dés? Oh, that's cute. Non. On se tape dessus avec des épées en mousse. Oui. Ok. Ça oui. Mais on lance pas de dés. T'as pas besoin de savoir si t'as touché ou pas. Faut que tu touches. C'est pas du roche-papier-ciseaux. Hein? Non. Ah, des gros dés en forme. Je le savais, le GC, Ah, il c'est me le ça. dit. Mais oui. Non, je dis ça en fait, j'aurais pas dit ça. Le roche-papier-ciseaux, je pense qu'il y a des systèmes qui fonctionnent encore avec ça. Ça se peut-tu qu'il y ait des systèmes de... Dites-moi ça dans le chat, là, si... Voyons. Mind's Eye Theater. Fonctionnait. Des balles de feu en Là, mousse, ça c'est fini, là. Il n'y a plus personne qui veut. Voilà, ouais, non, je dis ça. Il y a sûrement encore du monde qui utilise ça. Il y a sûrement encore du monde qui utilise ça. si tu pitches le dé sur la personne, ça crit. Ok. J'aime ça. Mais Donc. là, comme vous pouvez voir, ce podcast-ci, ce n'est pas un podcast ordinaire. C'est un chillax podcast. Dire que c'est Blob qui amène toute l'énergie quand c'est généralement lui le plus chill. Mais quand Blob est pas là, on est genre Je on veut un pense podcast, I guess. c'est qu'il y a trois personnes. Il y a un facteur de Ouais. motivation. Mais c'est pas nécessairement. En fait, c'est pas toujours un chillax. Attends, wow, wow, wow. On a déjà fait des Ouais, moi chillax j'ai dit. podcasts avec Blob. Puis on a déjà fait des podcasts à deux, toi pis moi. Ou moi pis Blob. Puis que c'était pas des chillax Ouais, podcasts. puis Fait finalement, que c'était quand même. le Venn diagramme n'est pas Ok, pareil. Alors, ok. ton hypothèse. Je rejette ton hypothèse. Mais ouais. C'est sûr que faire trois siestes, ça aide. Ça aide à soit faire que j'ai plein d'énergie ou pas. Ouais, je pense que t'as atteint le seuil puis t'es revenu là. Ça le loupe. Ça Ouais, c'est l'a ça. loupé. Je pense que le sweet spot, c'était peut-être deux. Ou j'ai peut-être dit, j'aurais dû prendre un petit thé. Oh. Ouais, c'est ça que j'ai Là, remarqué à ce aussi, point. mais le... Ouais, Oui. je parlais encore sur ma vie, là. On pourrait parler de chou. Mais non, mais J'ai de la on. misère à travailler le matin ces temps-ci, puis je comprends pas, puis je réalise que, en fait, quand je travaille à la maison, aussitôt que c'est pas l'été, puis que c'est pas dégueulassement chaud, ben je prends tout le temps du thé le matin pour me réveiller. Fait que là, vu que c'est l'été puis que c'est dégueulassement chaud, j'en prends pas. Puis là, je me demande pourquoi je suis pas, genre, pourquoi je suis pas réveillée le matin, mais la caféine, c'est une drogue. Ah oui, puis on s'habitue. Ouais. Fait que Ouais. c'est probablement ça. Fait que les gens qui disent ça me prend un café pour fonctionner, pour me réveiller, c'est genre oui, c'est parce que t'es rendu dépendant, mais t'es pas C'est ça. plus réveillé parce que t'as pris ton café. En fait, t'es juste revenu normal. C'est ça. Mais si tu le prends pas, là, tu tombes dans les négatifs. Fait que c'est pour ça que Exactement. moi, j'en prends de manière irrégulière pour que mon corps s'habitue jamais. Le thé glacé, c'est bien, mais je suis pas sûre qu'il y a beaucoup de caféine dedans. Y en a-tu? Ah, mais ça, tu peux te faire du thé infusion à froid. Ouais, c'est ça qu'il faudrait que je fasse. Ça, c'est nice. Ça, j'en fais. Je C'est le trouve niaiseux, jamais là. super bon, le mien. Mais Ben on dirait que c'est voyons parce donc, que j'étais qu'est-ce que tu habituée. fais? Mais je pense que j'étais habituée au commercial, là, pis faudrait juste que je dompe deux tasses de sucre dans ma jarre, là. Puis comme là, je le trouverais correct, probablement. Tu mets-tu du sucre dans ton thé que d'habitude? Non, mais quand je bois du thé glacé de l'épicerie, il y en a. Ah, oh mais, OK, parce que moi, quand je fais du thé glacé, du thé infusion à froid, c'est, je prends ma poche de thé, je la mets dans un bocal d'eau, je ferme le couvercle, je mets ça au frigo, puis le lendemain, j'ai du thé infusion à froid. Pas de sucre, pas de rien, là. C'est le Ah, même thé. ok, tu mets pas d'eau chaude. Même pas. Huh. Ça marche? Ça goûte de quoi? Ah ouais, c'est meilleur, je trouve. C'est Ouais, mais là, meilleur tu parce dis que tu que prends une l'eau est pas poche. bouillante. Fait qu'il brûle pas. Ouais, mais il Qu'est-ce que infuse t'as? pas non plus. Mais Non, mais c'est du oui, bon oh thé? oui, il infuse. Oh oui. Ok. C'est bon et c'est moins amer parce Non, que mais ça je veux dire, brûle pas à cause de l'eau chaude. tes Qu'est-ce qu'ils ont poches. mes poches? C'est-tu du bon thé? Ou c'est genre du orange péco? Non, j'achète pas du orange pécot, mais je pense pas que ce que j'ai, c'est de la. Ben, je l'ai fait avec un peu tout, là, puis ça marche avec tout. Je peux pas te dire que ça marche avec des thés bonbons de David's Tea, parce que ça, j'imagine que les bonbons puis les trucs sont faits pour infuser à chaud. Mais le thé, ça infuse très bien à froid. Ok. Bon, faut que j'essaie La ça. tisane à menthe aussi. Ah oh. C'est les affaires que j'ai essayées. Je n'ai pas essayé d'autres. Tisane citron, peut-être, j'ai essayé. Puis ça aussi, ça marche, mais. Ça fait de la limonade qui goûte pas bonne. Ouais. C'est pas pareil. Ouais, y en ont des thés pour. Mais j'étais pas sûre la recette du David's Tea. Pour le. Tu sais, je pensais que c'était genre tu remplis la moitié avec de l'eau chaude, tu laisses infuser, puis après ça tu remplis avec de l'eau froide, là. Je pensais que c'était quelque chose de genre. Moi, je fais vraiment de l'infusion à froid, froid. Puis ça marche très bien. Good, ben je vais essayer ça. Évidemment, le goût est pas pareil, pareil. Fait qu'après ça, il y a une question de préférence personnelle là, qui embarque. Mais Ouais, ça, Flore, j'essaye. Faut que je fasse des faut faire tests. attention aussi. Les bocaux, si tu laisses dans ton frigo trop longtemps, là, ça se met à goûter le frigo. Ça, c'est pas cool. Ah, ouais. Même dans un pot maçon? Ah, ouais. Ouais, mais ben là, ça, parce que des fois, tu sais, moi, je suis tout seul, puis je m'en fais des gros. Je prends un gros pot, genre quasiment 2 litres, là, Ben, avec juste une poche. Moi, je fais du thé faible tout le temps. C'est une poche pour ma théière. Ok, ouais, moi Je ça va renouvelle. me prendre plus que ça, je pense. Non, DVD Mais ont tu pas fait peux. faillite, j'ai genre commandé aujourd'hui. Fait Ils ont que. fermé leur magasin. Ils ont fermé leur magasin? Les magasins en présentiel, ils ont fermé. Oh shit, je savais même pas. Moi, je commande en ligne sur DVD depuis J'ai genre bien des compris. années. Mais les commandes en ligne fonctionnent. Ah ben. Ils en Ok, ont fait peut-être que gardé quelques-uns ouverts, là. quand. Ouais, c'est ça, parce qu'en commandant en ligne aujourd'hui, il y avait une couple de saveurs qui était marquée exclusif online. Dans le fond, c'est un peu. Ah, ben là, C'est je un peu sais de la pas. bullshit, hein? Ils ont peut-être quelques succursales encore ouvertes. Non, mais c'est pas du bonté de qualité, là, mais comme une fois par année, je vais dans la section, genre, grosse vente, là, puis je fais juste ramasser tous ceux qui sont pas chers, puis... De David Stee? Ouais. Puis j'ai une coupe de saveur Ben. que je sais que j'aime, là. Mais celui au curcuma, il est pas bon, yo. Puis essaye. Parce que l'affaire, c'est qu'ils ont un paquet de thé bonbons puis d'affaires de mélange weirdo, mais comme leur thé pur, ça, c'est de bonne qualité. Comme j'ai parlé avec une des personnes qui aide à créer les mix puis qui est comme experte en thé, là, qui a étudié là-dedans. Puis c'est genre, oui, merci, JC. Voilà, Comme leur leur TT. thé, ça, Ouais. c'est genre le thé que c'est juste comme dans la poche, il y a feuille de la plante de thé Camellia sinensis. Point. Pas de sucre bonbon, pas de plante de machin, épices de Des bouts de bibu, pommes. Des bouts de pommes. des trucs de pommes séchées, des pépites de chocolat, puis genre, ouais, Ça bon. coûte rien, puis ça remplit ton thé, puis ça met du poids, là. Fait que, genre, toute leur tisane, il y a full de pommes dedans. Ah, ouais. C'est pas super, en tout cas. C'est correct, I guess. C'est pas la chose la plus flavorful, mettons. Ben, je sais pas. Mais le TT, faut que le problème en plus, c'est qu'il faut que tu les connaisses. Parce Ouais, que, c'est ça, comme, leur ils sont pas tiguanyin est correct, là. étiquetés. Mais ils sont pas étiquetés. T'sais, ça va s'appeler genre comme la levée du dragon. L'envol du dragon. Je me souviens plus Oh, c'est quoi qu'elle nous a dit. Puis mais ça, c'est comme. les hosties chinois s'appellent de même pour de vrai, par exemple. Les perles du Ah. dragon and shit, Alors, Père du Dragon, ça, c'est une sorte là. Ouais, de. c'est ça. C'est une manière déroulée, là. Ils ont Parce que c'est tendance à tout. s'appeler de même pour vrai. Parce que le thé, c'est toute la même plante. Ouais, C'est mais. comme le vin. Le vin, c'est toute la même plante. C'est des raisins. Mais comme ils poussent à des endroits différents, fait qu'ils goûtent différents. C'est ça qu'on a appris dans le petit cours. Ah, t'as fait un cours de sommellerie en thé? Ben là, wow, cool. Ah! On a eu une heure d'une introduction d'une heure sur genre, voici un peu comment ça marche le thé, puis C'est bien. les différentes. Tu sais, comme le thé blanc, le thé vert, le thé noir, puis le thé. C'est tous tes degrés d'oxydation, là. C'est des méthodes. C'est des degrés d'oxydation, mais c'est des méthodes de comment tu vas le manutenter. Tu vas le Le taponner, tes manipuler. doigts. Le manipuler. Le manutentionner. Ouais, c'est ça. En gros, c'était genre. Parce qu'il y a comme Drazia, il quatre. dit 1 heure de dîner. Ouais, c'était ça. Je pense que Drazor, il était là. Ouais. Mais comme, en gros, c'est genre. Ok, quand ils vont le cueillir, là, les madames, parce que c'est à peu près toutes des madames, ils peuvent le taponner un peu avec leurs doigts. Puis avant de le mettre dans leur petit panier. Ça, c'est une phase. Ça, c'est les premières étapes, Ça me là. fait flipper là, parce que c'est tout le thé du monde entier là, qui froisse dans leurs doigts là. Ah, Just attends. putting it out Wow, there. wow. Ça, c'est rien, ça. Ça, c'est juste de le taponner un petit peu avant de le mettre dans le petit panier. Après ça, c'est genre, bon, qu'est-ce qu'ils vont faire dans le panier? Il va rester combien de temps? Puis au soleil, pas au soleil. Bon, évidemment, ça, c'est genre, ils cueillent, puis c'est la manière qu'ils le font, mais là, ça fait que ça donne une saveur. Après ça, là, Mais ils c'est aussi où est-ce peuvent. qu'il a poussé là? C'est comme dans quel eau puis dans quel pH and shit. Oui. Mais la manutention a l'air d'avoir un bon impact, la Oui, manipulation. oui, oui. Après ça, ils peuvent le taponner plus. Puis ça, puis comme le rouler ou le déchirer. ou le faire sécher au soleil, puis ensuite le taponner, ou Mmh. le taponner avant, puis ensuite le faire sécher au soleil, ou les deux. Puis comme Puis la ça, c'est longueur du les. séchage. Ça, c'est comme ça que ça fait les quatre couleurs. OK. C'est combien des combinaisons de séchage et de taponnage dans les mains. Fait que ça veut dire que toute la feuille de thé que tu bois, sauf le thé vert, je pense, parce que le thé Lui, vert, il est straight. ouais, il doit pas être trop séché au soleil, lui. Ou c'est le thé blanc. Non, c'est un des deux qui est comme le moins taponné. Transient, t'as-tu pris des notes? On a besoin de tes notes. J'ai le livre. J'ai un livre de thé Mais d'un voyons donc. expert de thé. C'est-tu Ben, je. team building? Non, non, non, mais c'est parce que j'y avais. Pourquoi j'ai eu ce livre-là? Ça n'avait pas rapport. C'était pas Ah, dans cette affaire-là. ok. Tu C'était une autre l'as. En affaire. fait, moi aussi, j'ai probablement un livre de thé, ouais. Qu'il faudrait que je lise. Mais ben, il vient du camélia, je pense. Je pense qu'à un moment donné, la job, ils ont fait tirer un sac de cadeaux. Ah, je pense qu'il faisait une levée de fonds. Il faisait tirer ça à l'équipe qui. Ah oui, je me souviens, c'était quoi? C'était l'équipe qui avait ramassé le plus d'argent pour une levée de fonds à Jeunesse au Soleil. C'est notre équipe qui a gagné parce que j'ai fait un gros chèque. Puis là, quand le producer il a appris ça, il a fait comme. Ok, il semble-t-il qu'on a gagné parce que t'as fait un gros chèque. Fait que tiens, voilà le sac. Je l'aurais normalement fait tirer, mais là, je pense que j'ai. J'étais comme. Je l'ai donné à tout le monde. Je l'en ai distribué à tout le monde parce que, comme il y a ben trop d'affaires dedans. Mais j'ai gardé le livre. Cool. Ouais. Fait que. Pourquoi qu'on parlait de thé? Est-ce que c'est le Chillax Podcast Bon, parce Tisane? que la caféine, ça aurait pu nous faire du bien pour starter le podcast à soir. Ah, tu vois, là, on a plein d'énergie. On s'est réveillé. En tout C'est cas, pour l'effet moi. placebo de discuter de caféine. Ou c'est juste le fait de discuter, point, qui. Aussi. Le sujet passionnant. Aussi. Discuter de préparer le podcast, pas passionnant. Discuter de thé. Ah, oh, là, ça, c'est le fun. C'est pas faux. Hey, on pourrait discuter de jeu, par exemple. Pourrait discuter de jeu. Moi, j'ai peut-être. Un jeu et d'autres affaires de gossage informatique. Mais toi, tu as des jeux Ah, mais j'ai qu'on pourrait. 12 000 jeux, comme d'habitude. Ouais. En plus, Mais j'ai pas j'aimerais tant à ça. jouer que ça, je trouve. Ironiquement. Ben, en tout cas, sur dans le chat, là, vous me direz, j'ai des affaires de genre de. J'ai des sujets, genre des protocoles. Là, ça va sonner nerd, dit de même, là, mais comme des manières d'envoyer des messages. Et des affaires décentralisées, peer-to-peer, puis des systèmes de modération vraiment cool. Des nouvelles technologies comme, on va dire, anarchistes. J'ai aussi gossé dans Linux. Ça, c'est un autre sujet. Fait que si c'est des sujets qui vous pentent, qui vous disent, qui vous tentent un peu, vous pouvez essayer de me convaincre d'en parler. Sinon, je peux aussi parler de Subnautica. Ben, on Tu vois, pourrait c'est on. finir l'épopée Subnautica, non? On crowdsource la thématique du podcast. Puis Anne-Marie, elle jouait à Hohokum. Oui. Ça, je veux parler de Hohokum puis de Dépanneur Nocturne. Ouais. Commençons donc avec Dépanneur Nocturne. On va commencer avec de quoi de Alright. bon. Mais là, la fin de Subnautica, c'était bon aussi, non? Oh, comme C'est aussi, vrai. c'est bon. Tout est bon. Voyons donc. C'est vrai. Bon, c'est Dépanneur juste mes Nocturne. sujets qui sont pas bons. Ben oui. Dépanneur Nocturne, c'était Elle un. dit ben oui. Non, non, ben oui, tes sujets sont bons, voyons. C'est-tu Coop qui fait Dépanneur Nocturne? Oui, hein. Co-op avec un K. Dépanneur Nocturne. Ouais, mais il y a un espace entre le haut puis où il y a un. C'est très d'union. Il y a un bar en bas. Non, c'est un bar en bas. K-O. Ah oui, c'est une barre en bas Ouais. parce que ça fait des yeux. Ouais, ça fait. C'est des gros O. Et voilà. Co-op. Donc, il y a un studio montréalais qui a fait un jeu qui s'appelle Dépanneur Nocturne, qui s'appelle aussi Dépanneur Nocturne comme sur Steam là, en anglais pour tout le monde, là, ce qui est super drôle quand vous entendez quelqu'un en parler, genre un journaliste ou un podcast ou whatever. Parce que ça s'appelle Dépanneur Nocturne. Non, Gnog, c'est juste. Je le Ok. sais, ça c'est moi qui l'ai. Ça C'est eux autres s'écrit qui ont pas de fait même. Gnog, qui est super cool aussi, qui est un jeu de genre. qui est comme une super kinétique de manipulation, genre de boîte à puzzle. C'est très, très chouette aussi. Fait que, Dépanneur Nocturne, dans le fond, c'est juste. C'est tellement comme typiquement montréalais, là. C'est comme une aventure montréalaise, dans la nuit montréalaise pour aller dans un dépanneur chercher quelque chose. Puis tu rentres dans le dépanneur puis ils disent bonjour, hi. Puis dépendamment si tu réponds bonjour ou hi, ben là, ça détermine en quelle langue que la personne va te parler. Fait que, genre, j'aime beaucoup le fait que le jeu soit en français puis en anglais, mais c'est pas. Tu vas pas dans le menu pour choisir la langue du jeu. Comment t'interagis dans le jeu. Puis si tu prends la mauvaise langue ou que tu réponds la mauvaise affaire, t'as tout le temps une option pour lui dire à la madame que je parle pas français. Ou genre, can you speak English? Ou tu sais, whatever. Puis elle va juste switcher, là, comme si de rien n'était. Puis comme, je sais pas, les gens qui jouent à ce jeu-là en dehors de la communauté québécoise, je sais pas s'ils catchent à quel point, genre, c'est une expérience typiquement montréalaise que, genre, la personne qui te sert dans le dépanneur, elle va changer de langue comme ça. Genre, comme, pas de transition, là. Où la personne dans le dépanneur va parler ni bien, ni anglais, ni français, Très bien. ou va Ouais. baragouiner du français, puis va préférer en anglais, ou l'inverse. Mais même à ça, je trouve que la plupart du monde, c'est juste genre, c'est les deux, là. Ça, c'est. Mais c'est vrai que Ouais, dans un peut-être. dépanneur, t'as pas 10 000 phrases à apprendre, là. Aussi. Mais Tu peux j'avoue faire aussi yes, que. no, le prix, thank you, bye. Ouais, j'avoue que peut-être que logiquement, tu sais, là, j'ai surtout joué en français, puis comme je pense que logiquement, il y aurait peut-être eu plus de mots anglais glissés à travers le français, mettons, au lieu d'un bon français correct, là. Malgré que c'était un français québécois pareil, c'était bien. Ouais, juste ça, je trouvais ça cool. Tu sais, ça commence, pis t'es comme. Ah, ben, non, en fait, même avant ça, ça commence, pis t'es dans une rue, pis pour t'obliger à aller au dépanneur, la rue est juste bloquée avec des cônes oranges de chaque bord. Là, t'es comme, ah, on est à Montréal. On est définitivement à Montréal. On est à Montréal. Pis tu sais, il est vraiment marqué, genre, rue en construction, pis tout, là, comme, en français, là, c'est parfait. Fait quoi, sans spoiler, les personnages dans le jeu sont un peu comme des animaux anthropomorphiques, fait qu'il y a des. Tu te sens pas. Ça essaie pas de représenter Montréal non plus dans les objets qui sont là. Parce que tu présentes des objets à la madame qui travaille là, puis elle t'explique c'est quoi, puis tout. C'est un peu comme une espèce de. C'est un peu comme un monde fantastique, là, fait que tu sais, il y a des trucs qui sont comme plus surnaturels, plus poussés, plus fantastiques. Mais ça donne quand même. Tu sais, c'est ça essaye pas de représenter non plus. Une vraie expérience montréalaise, là. Genre, ça parle pas de. Il y a aucun nom ou terme qui est mentionné. En fait, je pense pas que c'est mentionné que c'est Montréal, genre. C'est une poétesse qui a traduit le jeu. Cool! Je savais pas. Mais ouais, c'est. Non, c'est ça. Il est traduit en québécois, ça paraît. Mais c'est ça. C'est quand même. Ça reste comme. L'expérience, mais sans être calqué sur genre, ceci est un jeu keb, puis genre, tu vas trouver un chandail des Nordiques. Genre, tu sais, y a pas ça. OK. Mais il y a juste plein d'objets inusités que tu présentes, puis dans le fond, t'essaies de. Bon, en fait, tu ramasses les objets qui t'intéressent, qui pique your fancy. Chose genre, en tout cas. Je pense que je Mets vais tout dans le sac. mélanger. Ouais, c'est ça. Tu prends si tu veux. Puis là, c'est ça, à force de jouer avec des objets, ben la madame qui travaille là a dit « Ah non, ben t'as l'air de chercher de quoi de particulier, fait que j'en viens, j'ai le temps, là, viens voir dans le back store avec moi, tu sais. » Puis ben c'est ça, là, je vais pas spoiler, mais il y a comme y a un back store avec d'autres affaires, puis qui te permet d'avoir comme des différentes fins au jeu un petit peu. Des différentes Ah. conclusions selon ce que tu choisis. Fait que c'est. J'avais pas réalisé qu'il y aurait comme de la rejouabilité, mais je l'ai immédiatement refaite deux fois, genre. Ah Juste ben pour quand même. avoir. Ouais. Juste pour avoir deux petites fins. Je voulais voir aussi, tu sais, comme. Tu rentres là, ton but c'est de trouver un objet pour ta copine, pour lui ramener à la maison. Mais j'étais comme pas sûre parce que le jeu te laisse mettre n'importe quel objet que tu veux dans ton sac. Fait que, tu sais, comme. À mon deuxième playthrough, j'ai juste choisi tous les objets pour voir si j'avais un budget limité. Genre, tu as un budget limité. Tu peux juste comme faire genre un navet, mets ça dans le sac. Ouais. Un bon navet au dépanneur. Ouais. Un DVD que personne veut acheter, mets ça dans le sac. On vide le dépanneur. Il y a plusieurs stations de radio que tu peux changer. Il y a comme plein de. Il y a plusieurs petites affaires interactives. Il y a un chat. Il y a un chat. Fait qu'évidemment, 10 sur 10, il y a un chat. D'accord. Mais Fait que ouais. C'était très moi, bien, ok, je le le conseille. backstory, ça, il n'y avait pas ça dans la version que j'ai jouée. J'ai Oh, pour joué vrai? une early version. Et je pense pas qu'il y avait de backstory. Et je ne pense pas qu'il y avait de chat non plus. Oh. Fait que clairement, j'ai joué une version drastiquement inférieure. Oui, parce que là, il y a comme une... Ouais, il y a comme un ending, là. Ah, ben, je te recommanderais de jouer. Ça, Ben, c'est ce t'avais-tu que un je me ending souviens. dans l'autre version? Non. Ok. J'ai joué, j'ai gossé avec tout, puis j'étais comme, c'est vraiment chill. C'est super Puis chill. là, j'ai arrêté. Je suis resté là vraiment longtemps. Il y a un chat quantique. Ah, j'avoue, hein, le chat, tu le vois pas se promener, mais des fois, il est pas sur la même tablette. J'imagine que c'est ça que Gab il veut dire. Comme Non, je pense Creepy pas que tu peux. Watson. Je pense pas que tu peux pet the cat. Mais je pense qu'il y a un achievement pour juste comme trouver le chat plein de fois, là. Mais ouais, non, c'est très chill puis c'est beau. Non, j'ai bien aimé l'expérience du backstory. Ça rajoute un layer de plus puis c'était très très cool. Mais ouais, moi, ça avait été un de mes highlights de GDC parce que GDC, Ouais. c'est tellement gros puis bruyant. Puis alors là, j'étais comme, il avait mis ça, t'étais par terre dans une petite chaise de, une espèce de chaise longue de camping. Puis là, tu t'assoyais là sur le tapis, puis là, tu jouais à ça. C'était chill, puis c'était dans un coin un peu plus tranquille, Ah, yeah. de ben chill. J'ai joué. Il y a personne, fait que j'ai joué tout ce que j'ai pu. Genre, j'ai joué au moins une demi-heure, là. Oh, tabarouette, ouais, t'as fait le tour, là. Parce que, je veux dire, il... c'est quand même un jeu court, là, mais... Je me souviens qu'il y avait une machine distributrice de petits jouets en capsule. Oui! Pis ils sont tous weird! Ils sont tous vraiment weird! Je me souviens pas pantoute qu'est-ce que ça faisait, mais. Sont là. Sont weird. Oui. Fait que Non, c'était c'est... Dépanneur Nocturne. Il est sur quoi? Il est juste sur Steam? Il est sur Itch? Il est sur Steam, il est sur Itch. Il est pas sorti sur console, genre. Je sais pas. Ok. Pense pas. Genre sur Switch. C'est un bon podcast, là. Fait de la bonne radio. À soir, c'est le Chillax podcast. Fait qu'il y a des moments morts, des moments où qu'on gosse sur l'Internet. C'est chill. Mais ils ont comme pas de, tu sais, ils ont pas de site sur lequel ils disent ils sont où là. Bon. Fuck. Pas grave. Non, je pense que c'est juste, en tout cas, de ce que je veux, c'est juste Itch puis Steam. Ça coûte 5$. Pendant ce temps, tout le monde dans le chat sont déçus de ne pas pouvoir flatter le chat. Ben oui. Des priorités aux bonnes places. Il paraît que depuis que le site Can You Pet the Dog, il y a de plus en plus de jeux qui se forcent puis qui rajoutent une animation Mais c'est de rendu flatter un les peu gens. un mème, là. Comme je sais pas si c'est à cause du site ou juste parce que les gens l'exigent sur Twitter, là. Ouais, c'est ça, le Ben, Twitter c'était Pet the ça. Dog, là, ouais. Parce que je C'est sais que ça. dans Genshin Impact, le monde ont full chialé pour qu'on puisse Pet the Dog. Puis l'ont-tu rajouté? Je le sais plus. Ah. Mais Tu peux pet le chat, tu penses, Gab? Je me rappelle plus. Peut-être. Je sais pas pourquoi ça m'a pas plus marqué qu'il faut. J'ai peut-être pas essayé, en fait. J'ai peut-être juste vu le chat pis j'ai fait cool un chat. sachant que il y a aussi une règle dans les jeux vidéo que genre si tu vois une toilette, tu dois pouvoir la flusher. Flusher les toilettes dans tous les jeux vidéo tout le temps. Fait que pourquoi tu pourrais pas flatter le chien? Ça m'achale tellement en plus à cette heure quand il y a des toilettes, genre des toilettes publiques dans les jeux vidéo, là. Parce qu'il faut tout le temps que tu vérifies toutes les stalls de la toilette publique d'un coup, qu'il y en ait une qui aille du lot dedans. Puis quand il y en a pas, je suis comme, well, this was a waste of time. Je suis juste mad. T'es très réaliste. Ben, garde la porte fermée de bord, je veux pas y aller. Pourquoi tu prends le temps de designer des toilettes puis des lavabos? Parce que c'est un Ah! jeu AAA, Anne-Marie. AAA offre une expérience authentique d'immersion Je de commence à être tanné. qualité, de surqualité, Je commence à être tanné. triple qualité. Oh, il y a souvent du loot dans les toilettes, par exemple. Il y a souvent du loot, mais... Ouais, quand Oui. même, là, souvent, c'est quand même rewardé de genre, d'ouvrir toutes les maudites portes. En fait, soit il y a du loot, soit il y a un NPC malade, pis comme c'est un peu ça, la joke, genre. Ou qu'il y a une porte barrée, pis le NPC, il est comme... Tu sais, c'est... Ouais. Ah, J'avoue. ben là, ça, c'est si c'est un jeu de Kojima, là. Je sais pas. Non! Kojima, il Je a suis sûre que toujours j'ai des vu ça jokes dans de d'autres jeux. toilettes. Ben, peut-être aussi d'autres jeux, mais Kojima a parti le bal des jokes de toilettes, là. Ah ouais. Des bonhommes constipés, pis tout ça. Attends, quoi, j'ai vu ça? Je me rappelle pas. J'ai juste Star Wars dans la tête, mais ça doit pas être ça. Dans Borderlands, tu peux Ah non. évidemment toujours ouvrir les toilettes, puis des fois il y a des guns. Bon, tu Des vois? immenses guns qui sortent de la toilette. C'est comme genre, oh, un bon gun dans la toilette. Quelqu'un qui a essayé de flusher son Walker Il y a 47. quelqu'un qui a flushé sa mitraillette, son shotgun. Wow. Beaucoup de munitions aussi, des health packs. Du cash, beaucoup de cash dans les toilettes. C'est une bonne place pour cash. Pour que tu caches ton Mon cash. Dieu. Ok, ouais, tout le monde dans le chat a l'air d'accord. Ok, il y a plein de guns des toilettes de Borderlands. Et j'ai pas joué beaucoup à Borderlands là, mais j'ai pas essayé les toilettes. Faudrait que je reboot up Borderlands juste pour essayer les toilettes. Écoute, je te dis pas que c'est une expérience particulièrement incroyable. C'est. Il y a des guns dans les toilettes. Mais quoi, moi pis les FPS? Je joue à full de FPS. Peut-être qu'il parle à Dranziar. Non, je pense pas. Des crochets à guns dans les toilettes. Oui, il y a des supports à guns et portes de toilettes. Fait que t'ouvres la Mais... porte d'une bécosse, puis là, il y a des guns attachés sur la porte comme un présentoir. Puis là, la toilette a gicle du dégueu. Et là, il y a des guns et des munitions qui sortent de là. Mais là, je veux dire Et de quoi de des terrible, shields. là. Je veux dire de Quoi? quoi de terrible, mais dans ma tête, je sais pas si c'est juste moi, là. Mais genre, Borderlands pis le Texas, c'est comme un peu le même concept. Je suis zéro surprise qu'il y ait des supports à gun! Est-ce que tu mets ton gun quelque part quand t'es au Texas pis tu vas faire ton numéro 2, tu sais? Je sais pas pourquoi, moi, ça... C'est comme Écoute, je sais pas Borderlands, où Texas, se situe l'équipe Arizona... l'équipe de Gearbox qui a fait le 1. Le 1, c'était très C'est très dans... désert. Ouais, c'est très Arizona, genre, Alors que le 2, là, ils ont compris qu'on était tanné des déserts bruns. ouais. Fait que là, ils nous ont mis des environnements un peu plus variés. Ok. Ouais, c'est ça, les personnages sont quand même très stéréotypés aussi. Puis tout le monde a des guns, puis tout le monde est bien trop gun happy, puis gun ho, puis... Ouais, mais ça, c'est parce que c'est un. C'est comme dire que dans Pokémon, tout le monde est ben trop à parler de Pokémon tout le temps. C'est comme leur vie ne parle que de Pokémon tout le temps. C'est drôle parce que tu dis ça, puis genre, pourtant tu rencontres les gens dans Pokémon, puis ils disent qu'ils sont vraiment genre des fans de Pokémon, comme si c'était pas le cas de tout le monde. Genre. Ils sont comme, Ouais, non genre. mais moi les Pokémon c'est ma passion. Mais toi puis tout le monde, là. Mais en même temps, tu dis ça, puis comme pis là, je te repense au Texas, puis comment que les Texas sont fans de Pokémon. Non, sont fans de leur gun. De Pokégon? Non. De Pocket Gun. Pocket Alors, Guns. ouh. En tout cas. Ouais. Bref. Mais c'est parce que c'est le loot. Oui, Oui. vas-y. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux changer de sujet? Tu Ben, veux-tu on parler pourrait y d'un aller, autre là. jeu? On pourrait y aller, là. On pourrait parler de. Subnautica? Hihi. Ah, parlons de Subnautica. Alors, T'as fini? devinez quoi? J'ai fini Subnautica. Bravo! J'avais commencé en février, mars. Ouais, c'est une bonne run, ça. Genre. Tu l'as savouré, je trouve. Puis je pense que je l'ai dévoré. Genre, sans le savourer. Je l'ai J'ai pas pire joué clenché. 99 heures et demie. C'est vraiment beaucoup. Ouais. Et même donc plus que ça, parce que j'ai eu quelques petits reloads de save aussi. Fait que ça l'a pas compté. Oh, c'était ton in-game time. Le in-game Oh, time, shit. OK. 99,5 hours. Plus. Ouais. Mais j'ai pas beaucoup reloadé là, parce que j'essayais de jouer legit. J'ai juste Mais. reloadé la fois que j'essaie de découvrir qu'est-ce qu'il y a aux limites aux limites, là. Cette fois-là, j'ai reloadé. Tu vois, ça, Toutes j'aurais les dû autres fois. saver avant, mettons. Ouais. Ça, j'ai dû Fait que reloader, oui, mais j'étais comme. t'as décidé Ah. d'aller dans l'abysse sans sauver avant? Mais je savais pas, moi, qu'il y avait plus rien. Ah, ok. Je savais pas que c'était la fin. J'avoue. Ben, je trouvais que c'est quand même un peu. Comme la map a drop, là. Genre, le plancher marin, il drop. Pis y a plus rien. Mais c'est qu'il n'y a plus rien, puis il n'y a pas de quoi pour te dire, OK, là. Oui, ils disent de quoi? Ils disent de quoi dans ton radio? Ouais, mais juste la première fois. Ah, ok, en fait là. Puis là, Oui, tu c'est dis, ça. ah, oh, OK, parfait, j'irai pas là, mais la fois que tu vas y retourner, tu sais, Ouais. un autre endroit, Un autre puis c'est endroit, comme, ouais. OK, moi, j'avais oublié, je me souvenais qu'elle avait dit ça à un moment donné, mais je me souvenais plus où. Ok. Fait que j'ai jamais su c'était quoi l'endroit qui était dangereux. Oh non. Ben, c'est tout le tour. C'est comme un gros Fait que carré. maintenant, je suis descendu, puis j'ai fait, bon, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais ça a l'air dangereux. Fait que là, je suis descendu en longeant le bord. J'ai comme, mon Dieu, c'est-tu un bug? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Puis à un moment donné, il y a une grosse bébite qui est dans ta face, puis là, c'est comme, oh, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, puis là, je monte. Là, t'étais rendu trop bas. Parce que ça prend full de temps à remonter. Ben oui. Damn it. Fait que, ouais. Spook. Don't go outside. Mais oui, j'ai fini le jeu. Yay! Puis la fin est cool. Ouais. Il y a un bon build-up. Ils ont bien pacé ça avec, tu sais, la. Je vais pas dire, mais tu construis quelque chose à la fin. Puis tu sais, tu le construis pas tout d'une shot, mettons. Tu le construis un petit morceau. Puis juste, ça me rappelait comme les donjons de Zelda. Ah, ouais. Tu sais, quand les donjons de Zelda sont. Ben, c'est une manière de marquer de la progression. C'est quand un donjon de Zelda, il est très gros, il est très grand, il y a plusieurs puzzle rooms. Puis là, ben, pour te créer un sentiment de progression, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont, mettons, dire genre. Tu vas rentrer, il y a une salle principale, puis là, il y a quatre piédestals. Avec. Puis là, faut que tu les allumes ou quelque chose comme ça. Fait que là, il va falloir que tu visites quatre zones. Puis que tu ramènes de quoi ou que whatever, tu vas allumer la lumière quelconque. Ou ben dans The Room, le jeu des puzzle box Ouais. sur téléphone, Il est tu pas sais, il y juste sur avait. téléphone, il est sur Steam aussi. Ouais, je joue sur Ah, Steam. ok. Mais tu il y a beaucoup de trucs comme ça qui, pour marquer ta progression dans une boîte, c'est comme genre, tu arrives, il y a une porte, puis là, tu vois que la porte, elle a deux cadenas. Fait que là, tu sais. Tu vas faire plein de puzzles, à un moment donné, tu vas avoir une clé, débarrer le premier cadenas, t'es comme, oh, ok, là, je suis rendu à moitié de la boîte. Fait que c'est des marqueurs de progression comme ça. C'est important en jeu pour ben, que tu sentes que tu progresses. Puis ça te donne un peu une idée aussi de je suis où par rapport à la fin du jeu. Mais t'avais vu que c'est ça, il y a comme un bout dans Subnautica avant que t'arrives à ce bout-là où genre tu sais trop pas t'es rendu où dans le jeu là. Il me semble que ça t'est Ouais, arrivé ben aussi, c'est évidemment. ça, d'avoir un moment vide où t'es comme qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je suis rendu où? Genre c'est quoi le prochain? Ouais. La progression est pas claire partout dans le jeu là. Ben, la progression, c'est genre, OK, ben, je viens d'avoir une nouvelle recette pour crafter quelque chose. Genre, je peux m'améliorer. Ah, j'ai une nouvelle sorte de bonbonne pour d'oxygène. Ah, j'ai une recette pour une nouvelle sorte de palme. Fait que là, ben, ton objectif, c'est ça. Fait que, au début, c'est une short loop pour apprendre des mécaniques. Non, le pacing il est top-notch, là, dans ce Ah ouais? jeu-là. Mais ça, t'avais pas dit ça la dernière fois. Sans que t'as eu un bout où ce que t'étais dans un lol pis tu savais pas trop, genre. Oui, ah, Ok. il y a un bout où. Ben voyons donc. J'ai encore perdu son audio. J'entends, on est là. Si, Monac, Discord. OK. Trois fois en 1 heure. Ben, c'est ça. Puis si c'est moi, je comprends pas c'est quoi. Si c'est moi, c'est tout l'audio de Windows qui fuck parce que OBS le voit plus. C'est vrai que... Non, ça doit être Discord, là. Ouais, ah, Jésus. Ça, je disais, il faudrait peut-être essayer de le rebooter, comme ça, il va faire ses mises à jour. Mais moi, je reboot à tous les jours, là. Fait que, Oh, OK. c'est ça, le monde qui sont comme, oh, mais reboot, peut-être que, comme, mon ordi est fermé, moi, la nuit. Ben, moi, je le mets en sleep, là. Ouais. Ouais, non, moi, j'ai toujours pas l'habitude de faire. Comme, on dirait dans ma tête, ça va gaspiller l'électricité pareil. Fait que, genre. Moi, Yoto tombe en sleep. Mais, ouais, on parlait du pacing de Subnautica. Puis là, je t'avais Oui. dit, il me semble que la dernière fois qu'on s'est parlé, tu te plaignais qu'il y avait un trou, qu'il y avait un creux à un moment donné. Oui, ben il y a un bout où est-ce que j'arrivais que là j'avais tout. C'est que là, Puis il manque juste dans la kyanite. Il manque juste la fucking kyanite. En tout cas, moi la aussi. les roches bleues, Oui, ouais. moi aussi, je suis arrivé là. Moi aussi, On je pognais ce va pas bout-là. trop donner de détails, là, mais genre, il te Mais c'est manque une ressource, là, c'est ça. une Puis, tu sais, je ressource. me rappelle, j'ai Puis... poké Mick, puis j'étais comme. Qu'est-ce que. Genre, j'ai l'impression que j'ai tout fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est où? Genre, ouais. C'est ça l'affaire, c'est que le jeu t'habitue, puis ça, c'est le bout qui brise un peu son engagement. C'est qu'il t'habitue à toujours te donner des objectifs vagues. C'est comme, ah, il y a un rescue par là-bas. Ah, il y a quelque chose Mais là-bas. ça, à un moment Va. donné, il n'y en a plus! Ou va à 3000 mètres par là, puis tu vas, à un moment donné, tu vas essayer de trouver quelque chose. Fait que, tu sais, c'est des indications floues, ça encourage l'exploration, plutôt que de te mettre un marqueur, puis de dire, genre, vas-y direct. Ouais. Fait que ça, c'est super bien. Mais à un moment donné, effectivement, là, il y a un, comme, il arrête d'en avoir. Puis là, c'est comme, Tu m'as donné les ah. capsules de détresse, t'es ça comme toute faite, là. Genre. Puis... Puis les Puis là, laboratoires cachés, il y a là, comme... puis. Ouais. Puis même une fois que t'as fait toutes tes capsules de détresse, d'habitude, c'est qu'ils t'ont... Ils t'ont amené... Tu sais, comme il y avait des choses autour des Oui, capsules, que ouais. là, tu commences... Fait que là, tu te dis, ben, je vais explorer ces choses-là. Fait que tu peux retourner à ces endroits-là. Puis là, tu peux explorer ça, puis là, explorer, puis Mettez-vous là... des beacons, genre pour les gens qui jouent là. Mettez-vous des Ah, mais espèces de j'en mettais bouées. plein. Ouais. Mais Mais ça m'a pris du temps avant de le faire, ouais. Mais ouais. effectivement, à un moment donné, j'ai vu... Le point d'accès. Puis j'ai. En fait, il y a deux affaires que j'ai faites de pas correct. Il est crissement pas évident. Le point d'accès pour la caverne souterraine, là, il est crissement pas évident, je trouve. Ouais. Ben, oui, puis non. C'est parce que j'ai Ouais. fait. Mon problème, c'est que j'ai fait deux erreurs. Le premier, c'est que je l'ai vu le point d'accès à un moment donné, mais il me restait plus de beacon. Puis j'ai oublié de me le Ah, c'est noter dans ça. mes... Parce que, hey, là, moi, j'avais joué à Mais ça prend Subnautica de la avec place, hein? Joplin. Ah ouais. Mais ça Moi, prend de la j'avais... place, fait que j'aimais pas ça partir avec plein de bacon dans mes poches non plus, parce que tu vas avoir tes poches pour du loot, tu sais. Fait que ça tout le temps. Mais Ouais, j'en ai mais... pas placé tant que ça. Oh non, moi, à la fin, j'avais ma map pas mal remplie. Tous les trucs importants avaient des beacons à grandeur. Au point où est-ce que... Sans trop donner de détails, il y a des moments dans le jeu où est-ce que tu te ramasses à d'autres endroits, puis que genre, t'es comme, ah, oh, je suis où? J'étais capable, juste en regardant mes beacons, de savoir j'étais où. Oh, nice. Fait que je suis comme, ah, oh, je suis à 100 mètres de là, je suis à 1000 mètres de cette affaire-là, je suis à droite de cette affaire-là, je vois, tu sais, mes beacons, des fois, ils font comme des lignes, là, comme il y en a avec, qui se fait comme, ok, j'ai ma base 1, ma base 2. Puis C'est ça. l'épave du Puis s'ils truc sont là. derrière toi, là, tu sais que. Fait que là, ils sont là-bas. Fait que là, ça veut dire que là, oh, wow. Puis là, tu es comme, oh, OK, ça veut dire que je suis vraiment loin, là, dans l'autre direction. Ah, je suis jamais allé, là. OK, bon, c'est cool, je vais explorer cet endroit-là. C'est ça. Là, on part. Puis, Non, c'est vrai, ça, c'est. C'est bien fait que, fait. ouais. C'est bien fait, ce Fait jeu. que ma première erreur, c'était ça. C'est de pas avoir mis de beacon à cette place-là, que je me suis dit, ah, oh, faudrait que j'y retourne. Puis je l'ai pas fait. Puis j'ai pas pris de notes. D'habitude, je joue avec Joplin, avec... Écoute, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de notes. Je gardais un journal de tout... À chaque fois que je finissais de jouer, je notais qu'est-ce que j'avais fait pour Oh, m'en rappeler la nice. fois d'après. J'ai un journal de... comme avec les dates. Tout ce que j'ai fait, j'avais ma to-do list avec des imbrications beaucoup. Juste comme, ah, oh, aller là, il y avait ça. Ramasser. Revenir avec telle affaire, telle affaire, telle affaire. Puis Ça pourtant, faudrait t'as qu'on. passé 90 heures. Je trouve ça fou parce que c'est super efficace. Que moi, au contraire, vu que je prends pas de Mais notes, c'est parce que c'était si trop efficace. C'est parce que je je... Ouais. faisais trop d'affaires. Je passais trop de temps à faire tout ça. Parce que moi, mettons, là, si je joue pas pendant une semaine, là, après ça, c'est sûr que ce que je vais faire, c'est être perdu, puis revisiter les mêmes places que j'étais, puis me demander, j'ai-tu besoin de ci, j'ai-tu besoin de ça? Ah, puis retourner voir mes recettes 12 fois. Fait que genre, je perds plein de temps à être inefficace. Justement parce que je retiens pas, je prends pas de Il y notes. avait un peu de ça, mais pas trop. Mais Ben j'essayais de non, jouer t'es avec full pas de une organisé. semaine d'écart entre les sessions. Mais même rejouer le lendemain, comme si je relisais pas mes notes, des fois je me laissais une note précise de genre comme OK, j'ai sauvegardé parce que je m'en vais par là. Fait que Ah ouais. continue dans cette direction-là, c'est là que je m'en vais. Puis là, je reloadais ma save page, c'était comme oh, un poisson! Bah, Bye! on va retourner à la base, là. Mon bioréacteur doit être fini. Genre. J'ai aussi fait beaucoup de bases. J'ai Ben oui, fait c'est hot ça, j'ai fait deux bases. Dont une juste vraiment, deux. oui, dont une vraiment mini, juste à côté du point qui monte et qui descend en profondeur. Puis c'était pour me ravitailler. Oh, ok. Ouais. Mais c'est ça, maintenant que je pense aussi, ce point-là, il y a quand même un élément de décor vraiment, vraiment cool dans cette caverne-là, juste pour te faire dire, genre, yo, cette caverne-là est cool. Oui. L'arbre. Ouais. Ah oui. Fait que ça, c'est cool. En tout cas, moi, c'est genre un de mes plus beaux moments du jeu quand j'ai trouvé cet arbre-là, là. Comme, c'est Ah moi c'était tellement tough. beau. Oui, le problème c'est que moi j'avais rien comme je pouvais pas descendre trop profond. Fait qu'il fallait toujours que je reste agrippé au plafond. Puis Puis là, que ça j'allais spreadait. gosser Ouais. autour de l'arbre. Puis là, puis Ouais. ça c'est ça. Ça c'est ma deuxième erreur. C'est que j'ai oublié. Je pensais que j'avais toutes les upgrades dans le jeu, mais il m'en manquait un. J'aurais pu upgrader mon bidule sans Lequel trop donner de le détails. prom? Ben, Ouais. c'est-tu vraiment un. Je sais pas. Ben, moi, je trouve. Moi, je savais Ok. rien. Moi, j'ai capoté dans Subnautica parce que je savais rien du tout. Ok, ah, Fait que quand ben j'ai oui. construit Ben le prompt. Non, ça c'est pas un spoiler si on l'appelle la crevette, là. Ouais, ok. Quand j'ai construit la crevette, j'étais comme, C'est un acronyme, ça? aïe aïe, ça change tout. Ouais. Mais l'autre avant aussi. Ouais. Ouais, oui, Là, ça changeait tout. C'est vrai, moi aussi je savais j'étais pas vraiment. comme, Ben je wow! Puis sais là, pas, j'avais vu des images, I guess, mais. Tu sais, mais tu je peux sais voir pas. une Moi, je image, pense puis que pas j'avais savoir rien comment vu. ça va se jouer non plus, là. Puis là, on a parlé des bases, mais même ça, je le savais pas. Fait que là, j'ai commencé à construire des bases, j'étais comme, oh shit, ça change tout là, c'est comme tout plein de possibilités puis tout le kit, ouais. Ouais, ils sont bien faits. Moi, je suis pas une grosse base builder, là. Je suis quelqu'un qui va faire de quoi de petit et fonctionnel, puis qui va tout sacrer ses meubles dans la même pièce pour que ce soit Oui. proche puis pratique, là. Mais Oui. il y a clairement moyen de faire des trucs super cool dans Subnautica. Je suis sûr qu'il y a du monde qui ont dû se faire des superbes bases avec de la déco, puis du design zen, puis La mienne c'est n'était pas sûr. pire pour ça. Ouais? Je mettais des plantes puis des Ben, tablettes c'est ça puis. l'affaire. Moi aussi, je mettais des plantes, mais tu sais, je faisais pousser le jardin comme je faisais pousser les légumes que t'as besoin, puis des affaires de même, là. Fait que c'était jamais pour le Oh, mais cute. ça m'a pris tellement de temps avant de découvrir ces plantes-là. Moi, au début, c'était juste des plantes décoratives. Ouais, j'avoue que aussitôt que. Ouais, il y a ça aussi, maintenant. Aussitôt que je trouve une graine, moi la planter à quelque part. Fait que, tu sais, au pire, ça va être décoratif. Mais, tu sais, si le jeu me donne des graines, moi les planter. Ok, c'est pour ça que toi, t'avais toujours des problèmes de loot, d'espace pour le loot. Ah ouais, moi je loot Est-ce que tout. tu ramenais tout? Tout. Ah non, ok, non, moi, je triais beaucoup, là. À la J'étais fin, comme, je triais. bof. Mais c'est ça, des jeux de survival de même, là. Comme. Moi, je suis une hoarder dans la vie, là. Moi, je suis un écureuil dans la vie, là. Fait que, tu sais, les jeux de survival de même, genre, if life gives you quelque chose qui a de l'air absolument useless, tu sais pas, là. Il y a peut-être quelque chose qui va te demander de crafter quelque chose, puis ça va t'en prendre 200, hein. Fait que. Je Mais il n'y ramasse a rien dans tout. Subnautica qui te demandait ça, genre. Genre du gazon puis des fleurs? Ouais, non. Mais tu le Ah, sais pas, non. ça, quand tu commences le jeu? Ouais, mais à un moment donné, je sais pas. Ah non. Alors, y a rien que j'aille plus d'avoir. Oh, mais ça, c'est moi puis mon D'avoir anxiété de acheté quelque poker. chose puis là de n'avoir de besoin plus C'est ça. tard. C'est ça. Mais tu retourneras le chercher! Tout... Ça, c'est l'autre Mais affaire j'en que j'ai avais mis. plein! C'est l'affaire que j'aime de Subnautica aussi, c'est que l'univers, au final, est pas si grand que ça. Il est grand, mais il est pas. Non, il est pas Il y a si. pas de. Non, il est fucking grand. Mais il est. Puis il feel grand. Mais il est pas. Il y a pas d'espace perdu, genre. Il y a Ouais. pas. Quand tu cherches quelque chose, t'as jamais vraiment loin à y aller. Ou sinon, tu le sais dans quel biome tu vas, puis tu sais que ça va être là. Ouais, ou ben tu vas pouvoir y retourner, ou ben quand tu vas vraiment avoir de besoin, là tu vas avoir une manière d'y aller plus vite, genre. T'as-tu gossé avec la scan room? Ça, j'ai aimé Beaucoup. ça. Ouais. Pas Ça, je mal, trouvais ouais. ça très cool. Mais je veux dire, explorer puis looter, c'est le fun, là. Mais à un moment donné, quand t'es rendu plus loin, pis là, t'as ta base, pis t'as tes affaires, là, t'es comme... Ça me tente pas de juste gosser avec mes petites palmes pour trouver un truc. Fait que là, tu peux juste demander à la scan room, trouve-moi ce truc. Puis Oui, ben le ça, seul oui, ça, il faut. hic, c'est que là, je sais pas si c'est encore comme... Ben non, la version... Le jeu a sûrement pas dû être updaté depuis, là. Il y avait de quoi en particulier que je cherchais, puis de temps en temps, il était en dessous de la map. Puis là, ça, c'était gossant, parce qu'il apparaissait sa scan room. Mais tu y vas, pis, genre, fallait que j'active le noclip pour dropper en dessous de la map puis aller chercher l'item. Parce que le scan room a me trouvé des trucs qui étaient Tu jouais avec des cheats! ça. C'est mon ami qui me l'a expliqué que c'est. Voyons. Dark Ethereum qui est souvent dans le chat qui me disait, ben ouais, non, mais il est là, mais il est en dessous de la map, essaye le noclip, là, je l'avais essayé. Je me rappellerai même plus comment le faire, là. Jouer avec des cheats. Mais Ben c'était là, de quoi moi de je te fucking fais. tough à trouver? C'était genre la dent d'un poisson ou some shit. C'est de quoi de vraiment, vraiment Hein, tough? mais non, il y en a plein, là. C'était Faut ça? juste que tu saches où les trouver, puis ça, le jeu, à un Non, moment donné, mais. il te l'apprend comment. T'sais, au Ah. début, tu penses qu'ils sont fucking rares, jusqu'à temps que Oui! Mais il tu faut que. lises des dialogues de quelqu'un d'autre, puis là, il mentionne à un moment donné, puis tu sais comme. Ah oh, Mais ben! faut que le Quand je poisson, il te fais. Quand je peux snap! faire. C'est ça, faut que le poisson, il essaie de te snapper! Non, non, non, non, non. Non, Ben, c'est le poisson agressif, là. c'est de genre, là, Ok. ouais, mais Ben, c'est pas exactement ça, là, j'ai peut-être mais. jamais compris comment il droppait, en fait. Ah, parce qu'à un moment donné, tu trouves un log, puis là, il y a deux personnages qui en parlent de tout ça, puis là, tu fais comme, hein! Est-ce que c'est comme ça que je peux faire pour en avoir moi aussi? Puis là, tu l'essayes, puis tu es comme, ah, ah, ben là, j'en ai plein maintenant, ça va bien. Puis Ah non, j'en ai jamais eu plein. Fait que pour moi, j'ai peut-être jamais compris. Le jeu est beaucoup basé sur ça, sur des apprentissages, sur des. Il y a des trucs qui ont Ouais, de l'air difficiles, puis tu peux les faire avec faut la écouter les méthode tutos. difficile, mais tu peux aussi découvrir des méthodes plus faciles pour les faire. Des meilleurs outils, des meilleures techniques, des meilleurs endroits où est-ce qu'il va en avoir plus que d'autres. Puis là, tu sais, comme. Ah, Ouais, il y a OK. définitivement des endroits où tu cherches des métaux qui sont plus efficaces que d'autres, mettons, là. Puis des façons, puis tout. Ouais. J'aimais beaucoup les bouts d'épave un peu partout, c'est tout le temps comme genre. C'est comme un treasure chest, mais en plus compliqué, tu sais. Genre, ouh, C'est un un bout puzzle d'épave. room, Oui. ouais. Puis il y a tout le temps des cossins dedans. J'aimais beaucoup. Tu sais, ça sert à rien, là, mais tu peux scanner pour avoir des blueprints de trucs que tu peux mettre dans ta base qui sont purement cosmétiques. Je trouvais ça cool, là. Oh, C'est ça. je les avais toutes, ça. Ben oui, c'est juste l'impression d'avoir trouvé un petit quelque chose. Puis il va y avoir du loot, puis tout, là. Fait que. Une petite tablette. Oui, c'est Des une tablette. pots pour mettre des plantes. Un Des pots de bureau. fleurs. Des posters. Des posters special edition. Ah, est-ce que tu as trouvé le poster du chat? Me semble que oui. Qui dit Keep calm and je sais pas quoi. Semble que oui. Je suis plus sûre, là. C'est ça, puis je suis plus sûre, là. J'ai Faudrait que trouvé j'ouvre le poster mes. du chat. Ma soeur, j'ai envoyé des screenshots des fois, puis Manel a dit, ah, je pense que j'ai jamais vu cette affaire-là. Il y a des Easter Ah. eggs, c'est ça qui. Surtout quand tu te prends dans les épaves, là, il y a plein d'Easter eggs. C'est Mais vraiment un bon jeu. même les Easter eggs, c'est comme des teasings de trucs qui vont s'en venir dans le jeu. J'avoue. Fait que c'est comme genre, oh, je vais-tu pouvoir faire ça pour vrai? Puis là, quand tu l'as, t'es comme genre, oh yeah! Ah, j'ai presque pas pris de screenshot. C'est ça qui arrive quand je joue pas sur. Quand je joue sur Steam, il y a un dedicated screenshot button, fait que j'en prends 3 millions, tu sais. Il y avait un dedicated screenshot button dans le jeu, c'est F11. Ah, ben là, peut-être que j'ai des screenshots dans un autre dossier là-bas. Ça serait Ils dans sont mes dans documents, le jeu. j'imagine. Ils sont dans le jeu. Ils sont dans. Ouais, mais là, ils doivent être sur mon ordi à quelque part. Je sais pas où est-ce que le jeu les sauvegarde, Ah! mais je vais essayer de te le trouver, là. Tu peux chercher sur l'Internet. Où est-ce que Subnautica met les screenshots? Ah. La réponse est sur ton ordi, quelque part. Puis c'est que là, je l'ai désinstallé en plus, fait que. Ah. Mais GC, non. Il y a jamais, le jeu va jamais te. En tout cas, pas dans Subnautica. Non, mais Le ouais, je jeu comprends va son jamais point. te demander de hoarder des affaires puis de t'en demander 400, là, genre. App data local low. Oui, hein? Sur App Data Local Low. Ah, oh, ok. Mais, fait que, tu sais, comme, oui, tu sais, à un moment donné, tu vas pogner des blueprints, puis là, ça va te prendre plein de roches magnétiques, puis là, t'es comme, ah, ok, ben là, faut que je retourne à tel endroit pour aller chercher. Mais, c'est pas. C'est plus. Ils utilisent plus ça pour gater la progression, pour avoir une progression un peu plus contrôlée, Ouais. pour pas que tu puisses aller partout dès le début. Mais C'est c'est comme. jamais 300 cossins non plus, C'est là. ça C'est l'affaire, tu responsable. sais. Ouais, c'est ça, c'est raisonnable. Puis c'est des trucs souvent qui sont facultatifs. Parce que ça, je me suis rendu compte. À un moment donné, j'avais tout construit. J'avais construit comme les lance-missiles puis ces affaires-là. Puis j'étais comme, en fait, ça sert à rien, les lance-missiles. C'est de la merde. Puis je Ah, m'en les servais lances, jamais. c'est vrai. Ouais, non, non plus, je m'en suis pas servi. Je m'en suis jamais servi. J'utilisais ma drill puis je les drillais d'en face. Fuck you. C'était pour faire quoi, Moi. Les méchants, les bébites qui me courent toi? Ouais. après. Je prenais mon. Mais En c'est pas tout cas. tellement. C'est vraiment pas un jeu de combat, là. Fait que. Ouais, c'est pas tant Non, pertinent. c'est ça. C'est plus comme un jeu d'évitement. T'es comme, C'est t'évites ça. les bébites. Parce que t'es pas vraiment bon pour les tuer. Mais t'es pas là pour ça. C'est ça, c'est pas un jeu très. Ça donne rien Voyons, les tuer, non. agressif, là. À part qu'il est plus là. Bon, j'ai presque pas de screenshot, finalement. Yep. Fait que, ouais, ça m'a pas mal Yep. impressionné, ce jeu-là, comment, comme. C'est C'est bien un designé. ensemble de bonnes choses. C'est toute la. Ben, ça, j'en ai parlé la dernière fois, là. Il faudrait pas que je revienne là-dessus. Mais j'aimais beaucoup toute la conscience écologique. Mais justement, ils te demandent pas de faire une coupe à blanc pour crafter un truc, genre. Ouais. Mais comme. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, ça, c'est un autre aspect qui est bon. Mais moi, c'est ça, je dis, tout le jeu. Tu sais, il y a des jeux qui sont comme. Ah, le jeu était vraiment bon pour telle affaire, mais il y avait des cossins qui marchaient un peu. Là, c'est comme. L'ensemble global. Tu sais, pas un jeu. Ben, je sais pas si. Je sais pas la taille du studio. Je sais pas si c'est un jeu AAA. Moi, dans ma tête, ça sonnait comme un Non, je jeu pense pas. indie. Ouais. Mais peut-être que c'est un assez gros studio, en fait. Ça s'appelle Unknown Worlds, le studio, comme c'est pas. C'est pas le plus gros studio. Fait que Je pense qu'ils c'est font peut-être juste un. ça. Ah, bon. Fait que c'est. Non, excusez, ils ont fait Zen of Sendoku, of Sudoku. Oh, Ah, ils ont fait attention. Natural Selection? Oh. Des classiques que tout Natural le monde a Selection. joué. Ouais, c'est ça. Pam, pam, pam. Bref, non, c'est pas un gros studio, hein. Fait que. Ils engagent? Le résultat était vraiment solide. C'est comme. Ça a pris du temps aussi, ça aussi, ça a été un early access, me semble, Subnautica. Puis il y a eu beaucoup, Ouais. beaucoup de patchage. Puis, tu sais. Puis ça a fait Il y a des. pareil avec Below Zero qui vient de sortir. Ça fait un an, 2 ans peut-être que les gens qui l'ont acheté d'avance y avaient accès, mais ils n'avaient pas encore accès à la fin. Puis ils ont juste rajouté des trucs, puis ils ont pris du feedback. Puis là, il vient de sortir. Le. Ouais, tu vois, je disais que le jeu, il était parfait dans tous les points. Ben, pas parfait, mais comme il était vraiment bon partout. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de bugs. Ouais, mais Parlait c'est... des trucs qui sont en dessous de la terre, ça, où il y en a un petit peu. C'est ambitieux, là. Ah, c'est vraiment ambitieux. C'est gros, là, comme jeu. Genre, hey, écoute, il y a des AAA que je joue pas 30 heures. Puis là, j'ai joué 100 heures. Complètement fou, là. Moi qui fais jamais ça en plus. Non, Jouer c'est autant vraiment des de petits jeux. beaux travail. Puis l'histoire aussi, mettons, moi je suis une gamer d'histoire, là. Comme au début, j'étais pas sûre que je voulais jouer parce que je suis pas une fan de survival game parce que souvent il se passe rien, c'est juste ça. C'est juste genre, ben, ramasse du bois, puis crafte une maison, puis là après ça, ramasse du métal, puis crafte-toi plus de grosses affaires. Puis tu sais, comme, pis, crafter c'est le fun, là, mais ça me tient attaché juste un temps, tu sais. Mais Subnautica, pas au début-début. Au début-début, t'es stranded sur une planète pleine d'eau, puis là t'essayes de survivre, puis tout, puis j'étais comme, Mais il y a comme un moment après, peut-être 5 heures, mettons, là, qu'il y a de quoi qui se passe, là. Que tu pensais que t'allais être capable de te sauver de la planète pleine d'eau, puis finalement, Puis à ce moment-là, j'étais comme, oh shit, I'm in! Genre, là, tu sais, c'est juste assez d'histoire pour que je fasse comme, oh shit! Yes! Mais Yes! je pense que le truc que tu dis, c'est comme, mettons, c'est sûr que si tu le compares à un autre jeu de survie comme Don't Starve. Tu vois, j'ai pas Don't Starve, beaucoup joué à Don't Starve parce que j'avais mais c'est pas ça, envie de parce que retourner. Don't Starve, c'est procédural. Il n'y a Ouais. pas de narration, c'est procédural. Chaque game est différente, oui, mais ça fait que chaque game est pas parti. Alors que Subnautica, c'est pas procédural pantoute. Genre, Tout est exactement à la même tout est place. exactement. Je pense même les spawn points des ennemis sont toujours aux mêmes places, parce que il y en a un en particulier que chaque fois que je tournais le coin pour Et tout revenir le à la temps, ville, là. j'étais tout le temps là, j'étais comme, ah, mon petit Mais gosse, toi. il y a une map aussi, là. T'sais, j'ai triché un peu, Donc, j'ai joué oui. avec la carte, là. Mais, parce que Non, ça faut pas l'aide. faire ça. Mais c'est pour ça que j'ai pensé à ça quand tu parlais de tous tes beacons. J'ai dit, c'est sûr que t'avais 3 millions de beacons si t'avais pas la map, là. Parce que moi, j'avais une couple de beacons à des points vraiment précis. Puis après ça, avec la carte, j'étais capable de savoir j'étais où, t'sais. Ah. Mais. Mais Non, mais j'ai de la misère. Je sais que c'est triché, là. Mais j'ai bien de la misère à me représenter un espace. Vu de haut, dans un jeu en first person, si on me donne pas de map, je suis fourré. t'as pas besoin. Parce que t'as tes beacons. Mais. T'as pas besoin de le voir de haut. Tu le vois de dedans. C'est dur. Tu le Ça vois marchait de un dedans. peu, là. Je l'ai fait un bout de temps, je pense. En fait, ouais, c'était pas si pire. Ouais, je m'en suis pas servi tant que ça, je pense. Puis je Juste me pour. suis. Je pense que je me suis servi de la map pour aller voir quel biome que j'avais pas vu. Parce qu'il y a un biome que, genre, t'as pas besoin, pis y a rien de spécial, là. Pis tu peux juste, comme, littéralement passer à côté, genre. Pis en fait, y a rien de spécial, c'est pas grave. C'est juste comme du sable, pis y a une coupe d'affaires, là. Mais Oh. tu peux littéralement manquer ce biome-là, pis pas manquer grand-chose dans le jeu, là. Mais tu sais, je suis allé explorer, voir qu'est-ce que la faune a l'air de quoi, puis tout. Puis il y a sa propre faune aussi, puis tu sais, comme. C'est intéressant, là. Mais ouais, non, c'est moi qui ai de la misère avec ma représentation 3D Parce du monde. que moi, je me suis rendu compte vers la fin, là, quand je parlais de l'affaire que je me savais où j'étais où par rapport à mes beacons, c'est que j'ai les GPS, ça fonctionne comme ça. Ben oui, Ton c'est triangulé. GPS, il regarde, il voit plein de points de satellites au ciel, puis là, il fait comme, ah, selon les satellites que je vois, puis où est-ce qu'ils sont, puis à quelle distance, je sais où est-ce que je suis. Mais là, Hey, moi, je regardais merveilleux. ma constellation de C'est ça. beacons, Avant les puis j'étais GPS, comme, les gens faisaient ça avec les ah, étoiles. Sauf que ah. Oh, les c'est étoiles, vrai, ça hein. change constamment, puis c'est ça qui gosse un peu. C'est pour ça que ça te prenait une map d'étoiles qui tourne. C'est ça. Exactement. Les gens ont inventé les GPS avant les GPS. Mais Les GPS les avant les satellites aussi GPS. doivent tourner. S'ils sont géostationnaires, ça veut dire qu'ils sont géostationnaires. Ah ouais, Et par définition, les satellites sont géostationnaires. Ben, non, pas par définition, ouais, pas mais. nécessairement, ouais. T'es pas obligé. C'est-à-dire, ils tournent autour de la Terre, mais comme la Terre tourne, ils tournent à la même vitesse Puis dans le même angle, fait qu'il tourne pas. Mais il tourne. Fait qu'ils doivent Il pas être en tourne. même hauteur que ceux qui sont pas géostationnaires parce que là, ils se rentreraient dedans. C'est pour ça qu'il y a une couche de débris partout autour Et de la c'est pour ça Terre. qu'il y a plein de débris, ouais, je sais. Bon, oui, dans le chat, tout le monde le dit. Oui, j'ai compris, ils sont géostationnaires. Yeah. Fait que c'est plus facile que les étoiles parce que ça bouge pas constamment chaque jour. Mais Pas les comme la étoiles, ils bougent pas station. beaucoup de jour en jour, mais ils bougent pareil. Pas comme la station spatiale internationale. Ouais, elle tourne. Elle tourne. J'espère. En fait, je sais pas. Elle est peut-être géostationnaire autour de la NASA, non? Non, finalement, je ne l'ai pas parlé longtemps de Subnautica. J'ai parlé full longtemps. Ben oui, mais c'est tellement un bon jeu. Je jouais à Subnautica, guys. En plus, il était gratuit sur Epic, fait que peut-être que vous l'avez. Ça valait la peine. Ça Tu valait vois, hey, tellement ça, la c'est peine que fou. Sub-Zero, je vais l'acheter avec du vrai cash parce que je veux les encourager. C'est ça l'affaire. C'est genre, Ouais. j'aurais jamais acheté ce jeu-là. Ben, moi aussi, je J'aurais suis pas sûre. peut-être acheté vraiment pas cher à un moment donné. Parce que les Puis gens même qui là, je suis m'en pas ont sûr. parlé, comme... J'aime beaucoup les amis qui m'ont full vanté Subnautica. Mais c'est aussi des gens qui capotent sur des jeux de survival dans lesquels il y en a pas de story. Puis, tu sais, fait comme... C'est ça, fait que dépendamment des recommandations que j'ai eues... Genre, ouais, ça veut pas dire que je l'aurais acheté. Basé sur ces recommandations-là. Parce que Mel, je t'aime beaucoup, mais tu joues à Ark, puis Ark, c'est plate. Non. Moi, je trouve ça plate! Bah, bah, bah! Le shade est même pas là. Non, mais comme, mais je comprends, tu sais, je comprends l'idée de tu sais, tu pars de rien, là. T'es un petit dos dans pagne, puis tu finis par, genre, découvrir le feu, puis la forge, puis rider des dinosaures. Tu sais, comme, je comprends, mais s'il y avait une histoire, j'aurais plus de plaisir. Merci Gab Merci, Gab. pour les géostationnaires. Je pense qu'on a bien compris. Géostationnaire. Oui, on a. Oui. Bon, Anne-Marie, Oui. toi, t'as joué à Hohokum, Moi, j'ai joué à Pound. Hohokum. Je sais pas si t'es comme Pound. elle est encore dans le chat, mais dans le fond, on avait joué quand il est passé me voir. Puis c'est lui qui avait la manette. Fait que c'est pour ça que la semaine passée, j'étais pas super à l'aise d'en parler parce que j'avais pas encore joué en ayant la manette dans mes mains à moi. Oh, mieux. Mais c'est ça, mais là, j'ai joué cette semaine, puis c'est tellement un jeu pour tout le monde, là. Genre, ce jeu-là, il y a deux pitons. J'adore ça. T'as le joystick puis un piton pour aller plus vite. C'est Ah tout. oui, j'étais comme, il y a deux pitons dans ce jeu-là. T'as le joystick puis un piton pour Juste, sprinter ah ouais, il y a si tu le veux. T'es joystick. même pas obligé, là. T'es pas obligé de sprinter, là. C'est juste qu'à un moment donné, c'est long, là. Quand t'as fait le niveau une couple de fois puis tu sais où est-ce que tu veux te rendre, c'est comme c'est le fun de sprinter, là. Mais t'es pas obligé non plus. Il y a pas de piton interaction, là. T'es juste là. Puis t'existes. Et tu es un serpent, donc tu es un serpent coloré. Dont la couleur change selon la direction de ton joystick. Ça sert à rien, mais c'est beau. Puis tu fais juste explorer des environnements colorés et interactifs. Oui, C'est tout. il y a un peu de puzzle. Ouais, il y a du puzzling dedans. Dans le fond, tu cherches tous tes amis serpents, tes amis serpents psychédéliques cosmiques aussi, là. Je sais plus trop, je sais pas combien il y en a, en fait. Fait que je sais pas trop où ce que je suis rendu dans le jeu, parce que j'en ai trouvé plusieurs cette semaine, mais je sais pas combien il y en a. J'ai oublié de compter. Au début, tu les ramasses toutes une fois, puis là, ils se séparent aux quatre vents, et tu dois explorer cet univers coloré pour retrouver tous tes amis serpents, qui sont en train de faire différentes activités dans différents tableaux, qui sont toujours cachés à quelque part. Fait que tu dois faire des puzzles en interagissant avec des éléments de décor ou avec des petits personnages qui font chacun des petites choses. Puis là, tu peux les prendre sur ton dos, puis les amener à un autre endroit pour qu'ils fassent leur petite affaire. Puis là, tu peux aller les ramener. Puis fait que des fois, c'est comme ça que tu fais le puzzle, mais des fois, pas nécessairement. Des fois, c'est juste que genre, t'allumes des choses en passant par-dessus. C'est juste hyper comme kinétique, puis chill, puis c'est vraiment juste être un serpent multicolore qui se promène dans le néant cosmique coloré. C'est vraiment hot. Ça aussi, c'est un jeu que genre j'ai vu en démo dans un événement. Puis les gens, ils l'essayaient, ils jouaient une minute, puis là, ils l'abandonnaient. Puis moi, j'ai pris la manette, puis je suis resté debout devant le projecteur pendant une demi-heure. Mais c'est Ouais. ça, quand. Genre, Dragmael était chez nous, puis il l'a vu, genre, dans l'écran de la PlayStation, puis c'est genre full coloré, puis il a fait, ah, qu'est-ce que c'est ça? Puis tu sais, comme au début, il avait de l'air, genre, je sais pas, là, qu'est-ce qui se passe, là? T'sais, on était un serpent, puis on se promène, là. Puis là, j'étais comme, ah non, mais là, il y a de quoi, là? Il y a un rond là-bas, là. Va toucher au rond, là. Ok, ça fait de quoi? Va toucher à l'autre rond, là. Ok, ça. Puis tu sais, à la fin, on était tous les deux comme, ok, il y a quelque chose qui bouge là-bas, je vais aller toucher. Oh, ça a fait quelque chose. Ok, ça, c'est-tu relié avec l'autre petit bonhomme là-bas qui a l'air d'aimer les ananas? Ok, il y a un ananas là-bas. Lui, il tient un ananas dans sa main. On va aller amener le dude avec un ananas dans sa main à l'ananas. Oh, ça a fait quelque chose. Ok, next. Genre, tu sais, c'était vraiment cool. Ça, c'est ça. Au début, on était tous les deux comme « Mais que se passe-t-il? » Après une heure... Genre, on a joué genre 2 heures de temps, je pense. Mais comment ça se fait que tu l'as eu d'abord? Je l'ai acheté. De quoi je l'ai eu? Ben, je sais pas, t'en parlais comme si tu l'avais eu dans un bundle ou quelque chose. Non, pas tout. La dernière fois qu'on a eu une invitée, ça fait un bout. C'était qui, donc? Il y a quelqu'un qui nous a full parlé de Okum. C'est-tu Fanarchalist? Peut-être. Je sais plus, Ou Leslie. mais ou Je peux Leslie. essayer de. Ok, ben En je tout vais cas, attendre. Continue d'en parler. je l'ai acheté sur le PlayStation Store sur mon PC pendant qu'on faisait le podcast. Wow. Ouais, parce que j'étais comme, ok, c'est vraiment cool. Puis c'est pas un jeu très cher là. Fait que non, mais j'ai pas beaucoup de jeux sur ma PlayStation. Fait que il était sur le menu parce que j'ai très peu de jeux installés sur ma PlayStation. Il a parlé de Hohokum en 2015, épisode 106. C'était On a pas là. parlé de Hohokum en novembre 2020, Aha! épisode 298. C'était On avec. clique. Qui est notre invité? Parle de Céleste. C'était Leslie. Ah, ok, oui. Oh, oui, la Quoique dernière je fois que l'ai pas Leslie écrit vient. dans le titre, mot t'as dit. Mais oui, ok, il est écrit en bas. Leslie. Good. Fait Et que moi, non, je c'est vous bien, dis. j'ai toujours pas fini. C'est sûr que se promener entre les levels, je suis toujours pas sûre. Mais c'est comme un peu le but que, genre, tu te rappelles putain, genre. Tu sais, comme il y a comme des portes dans chaque niveau, comme des portails dans chaque niveau qui t'amènent à un autre niveau, là. Puis c'est comme quand tu joues, t'es comme, ok, oui, celle-là m'a amené là, me semble. Mais comme quand je reviens, je suis genre, je sais plus. Fait que là, je fais juste me promener entre les niveaux. Puis ben, quand t'as déjà fait le niveau. Tu vas te promener dedans, puis à un moment donné, ton ami serpent que t'as redécouvert, sa cachette, mais il va venir se joindre à toi, puis il va te suivre partout. Fait que là, t'es comme, ok, ce niveau-là, je l'ai fait. J'ai trouvé le serpent dedans, je peux changer de niveau. Ok. Non, c'est juste cute, puis la musique est belle, puis. Non, c'est vraiment. Une tisane pour l'âme. Une tisane colorée, psychédélique pour l'âme. Et ça, maudit qu'on a besoin. Ouais, ça, Dans puis notre. Dépanneur Nocturne aussi, c'était un peu ça, là. Comme, j'ai joué le soir, puis t'es dans un dépanneur, puis t'observes des beaux objets, puis la finale, pour vrai, Josinarf, si tu peux le retrouver, là. Genre, si tu Parce l'as que sur moi, je n'ai YouTube, fait à là. peu près la moitié, mais j'étais bloqué à un moment donné. Ok, c'est ça. La fin est cool. Puis La là, fin est qui est très... exclusif PlayStation. Hein. Ça, j'allais te demander comment Ah, tu y as joué, non, mais excuse, tu. j'ai pas fini. Je parlais des Dépanneurs Nocturnes. Je veux que tu fasses la fin de Dépanneur Nocturne. Oui, ok. Mais non, Okum, je sais pas, j'ai pas fini. Aucune idée. Il me reste plein d'amis. Il reste un nombre indéterminé d'amis serpents à trouver. Mais il y a Lui comme aussi, il un est. hub. Où est-ce qu'ils sont, à un moment donné? Fait qu'il faudrait que je me promène dans le hub pour voir, genre, ok, comment qu'il en manque, là. Puis, Ohokum, y es-tu exclusif PlayStation? Pense que oui. Pense que c'est pour ça que je l'ai acheté sur PlayStation pendant qu'on en parlait. Ouais, pense que Parce oui. que je n'ai Wow! pas accès. Le Ohokum est aussi un animal endémique à Naboo dans Star Wars, la planète Naboo. En tout cas, the more you know. Merci Plein Wikipédia. de bon lore Tout le lore. utile à savoir Pourquoi? pour les Ok, fans de Star Wars. Ohokum est sur PS3, PS4 et PS Vita. PS3, PS4, c'est pas mal exclusif PlayStation, ça, je Ouais, trouve. j'avoue. Hein. Ouais. Mais, en tout cas, plus de détails. Si vous avez une PS Vita, hein, puis que vous cherchez quoi jouer avec, parce que Y a-t-il des c'est émulateurs ça. de PS Vita? Y a-t-il des émulateurs de PS3? Est-ce Je sais qu'on pas si c'est peut des être émulateurs de déçu? PS Vita parce que c'est la console fucky sur laquelle il y avait du touchpad, mais en arrière. C'est vrai que ça doit aller mal. Ben, quoi que Parce qu'il y en avait en avant puis en arrière. la Wii U aussi a plein d'affaires fuckées, là. Ouais, puis le monde s'arrange, là. Ouais. Mais oui, Ça... la. Oui, il y a des émulateurs de DS, mais tu prends ta souris. Mais c'est que là, ça prendrait comme deux souris, parce que la PS Vita, tu peux prendre tes deux doigts, puis toucher l'arrière puis l'avant de ta Ah, oh, console en ben même tu temps. fais clic droit pour cliquer en avant, puis clic gauche pour cliquer en arrière. Mais tu peux pas cliquer à deux endroits. Tu sais, Mais tu peux y'a-tu pas des faire. jeux qui te. Ah, oh, ok. Y'a-tu Je le vraiment sais des pas, jeux qui tout te ce que je demandaient sais, de. c'est... C'est parce que j'écoutais un podcast qui faisait tout le temps des jokes sur le jeu Monster Musume, qui est comme un espèce de card collecting game avec des filles déshabillées. Puis pour déshabiller tes cartes, fallait que tu frottes ta PS Vita en la tenant dans ta main, avec comme tes doigts sur chaque côté de la PS Vita, fallait que tu frottes de haut en bas. Bref, ouais. Il y a beaucoup de jeux japonais sur la PS Vita. Écoute, ils ont réussi à utiliser le hardware au maximum de ses capacités. C'est ça. C'est ça qu'on peut dire, oui. Oui, Gab, ça s'écrit exactement comme ça. Chiclot qui fait semblant qu'il n'a jamais entendu parler, puis non, je guess que c'était pas si compliqué. Tu parles-tu? Oh non! Tu parles-tu, Narf? Oh non! La phrase de 2020. Je suis après dire une chose que c'est un podcast chillax parce que I'm losing my shit over here. Ah, c'est le Chillax Podcast. Mais on passe à un autre jeu? Il nous reste Mais une je vais minute. parler de trucs de nerds, là. On était Je prêts à écrire en même temps. Oui, vas-y. décide que je suis rendu là. Je sais plus Go. c'est qui tantôt qui a dit, genre, ah, oh, moi, je suis nerd, ça m'intéresse. C'est JZ. Mais, JC, JC, étais-tu encore là? Parce que Ah! oui. Yes, il a l'air motivé. Bon, j'ai Alright, parle-nous découvert, de messagerie des opposés. je suis tombé dans un univers assez cool, voilà, à peu près un mois, même un mois et demi. Puis j'avais vraiment hâte de venir en parler, mais j'attendais comme un bon moment parce que ben c'est pas un sujet que c'est pas des jeux vidéo. C'est essentiellement une nouvelle technologie de décentralisation, mais c'est plus décentralisé encore, c'est peer-to-peer. Donc, on s'imagine comme. Je sais pas si je vais faire une très bonne job pour l'expliquer, là, surtout que ça fait longtemps que j'ai lu les affaires. Mais. En tout cas, c'est utilisé pour faire plusieurs choses qui sont décentralisées. Donc, par exemple, il y a un browser qui te permet de naviguer sur Internet, mais tu peux aussi accéder à des sites que ton browser à toi, dans ton browser ordinaire, peut pas, comme des sites ben, peer-to-peer essentiellement. Comme Tor, genre? Tor, c'est pour accéder à des vrais sites web sans que le site web sache t'es qui. Là, c'est Ok. plus pour dire, j'héberge un site web, mais je dis pas. Mais il est encrypté, puis j'ai pas besoin d'avoir un. Je le sais pas. Je le sais C'est pas. correct. Peer-to-peer, c'est comme un LAN, mais pas branché straight. Oui, on pourrait dire ça. Peer-to-peer, ça permet de pas l'ouvrir à tout le monde. Ce que ça veut surtout dire, ce que ça fait surtout, c'est que c'est décentralisé. C'est que. Quand tu te connectes à un serveur, il y a l'administrateur du serveur qui dit, genre, voici le serveur, il est là. Et si le serveur meurt, ben là, le serveur meurt. Alors que là, bon, on va partir avec de quoi que tout le monde connaît. Tout le monde connaît BitTorrent. Oui. Tu as utilisé BitTorrent un petit peu, on a J'ai tous encore utilisé eu un ça un petit courriel peu. de mon ISP cette semaine parce que je suis BitTorrent. Ah. Bonjour! Et... Allô? Hello. Bonjour, je le mets dans la Arr. poubelle. Arr. Oui, c'est ça. Fait que, ouais, ben, le BitTorrent, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a un. Il y a pas un serveur central qui peut se faire attaquer. C'est que tout le monde partage. Tout le monde qui download le fichier repartage le fichier. Donc, tu downloads de tout le monde en même temps. Bon, c'est sûr que d'habitude, il y en a toujours un premier qui avait le fichier à l'origine, mais même si après, dès que quelqu'un d'autre l'a ramassé, peut-être que là, la deuxième personne devient le host officiel. Et ça fonctionne bien, mais il y a plusieurs limitations au BitTorrent. La principale étant que, une fois que tu as créé un, tu dis genre, je vois, j'ai mis un paquet de fichiers, puis là, je le mets dans le BitTorrent, puis là, je lui donne une adresse. Là, tu peux plus le changer. Tu peux plus faire une V2, mettons. OK, il Pour s'update pas aller. là. Il n'y a pas moyen de dire, genre, ben, tu peux, mais ça va en créer un nouveau. Puis là, il va falloir que tu redonnes l'adresse à tout le monde, puis il va OK. falloir qu'il le redownload parce que c'est pas le même. Puis là, la nouvelle technologie qui s'appelle HyperCore, ben, en fait, il y a plusieurs, tu sais, c'est des trucs open source. Fait qu'il y a plusieurs modules, là, mais comme HyperCore semble être le truc un peu général. C'est comme un drive, comme une boîte que tu peux mettre des fichiers dedans, puis là, les gens peuvent les downloader, puis c'est peer-to-peer. Puis ça a une adresse unique qui est comme une grosse chaîne de lettres et de chiffres par rapport. C'est-tu peer-to-peer si tu mets ça dans un drive centralisé, Puis genre? non, c'est pas un drive centralisé, OK. c'est peer-to-peer. Mais, OK. parce que là, j'ai utilisé le mot drive, là, mais c'est pas genre. Ouais. Ouais, C'est ben plus comme comme... une boîte. Moi, je pose des questions parce que je connais rien non plus, là. OK. C'est Ouais, ben, c'est un pour ça que j'ai. endroit où tout le monde dépose leurs affaires. Mon but, le but pourquoi je veux en parler, c'est parce que je trouve ça cool, mais c'est aussi pour. Je veux pas en parler comme. Puis rentrer dans les détails de nerds. Je veux l'expliquer pour que tout le monde soit capable de comprendre. Fait que, c'est mon J'apprécie. audience parfaite. Fait que, imagine une boîte. Tantôt, je parlais de BitTorrent. BitTorrent, c'est une boîte qu'il n'y a personne a mis des fichiers dedans. Puis la boîte est sur son ordi. Fait que toi, la première fois que tu veux. T'sais, la première personne qui va downloader cette boîte-là tu vas lui avoir donné une clé, une adresse. Là, la personne va se connecter sur le réseau, te trouver toi. Puis là, toi, tu dis, vois, j'ai ma boîte. Et là, t'envoie la boîte. Puis là, la personne a une copie de la boîte. Puis là, la troisième personne veut se connecter. Elle a la même adresse. Puis là, ça se connecte à vous deux en même temps. Puis là, il peut downloader de toi et de l'autre personne en même temps. C'est pour ça que ça download super vite. Parce qu'on a la même boîte. Parce que vous avez la même boîte. Fait qu'il y a pas Mais tu de... peux pas changer le contenu de la boîte. Mais Non, mais avec sinon, faudrait qu'il HyperCore. vérifie constamment si on a toujours la même chose dans la boîte, tu sais. Ben, c'est ça. Mais J'imagine. avec HyperCore, là, c'est une manière. C'est la même affaire, mais tu peux changer le contenu de la boîte. OK. Puis. Mais c'est pas. Comme. Mettons que moi. On va prendre un exemple. Mettons, il y a toi puis moi. Moi, j'ai créé une boîte au début. J'ai mis un fichier dedans. J'ai écrit une histoire. Ou une recette. Puis là, toi, tu te connectes, tu downloads ma boîte. Moi, dans ton navigateur. Le navigateur qui existe, c'est un navigateur expérimental. Parce que tout ce que je suis en train de décrire, c'est assez expérimental pour l'instant. C'est C'est tout nouveau. C'est super cool, mais c'est tout nouveau. Fait que ça s'appelle Beaker. comme un bécher? Comme. Beaker, Ouais, Beaker. comme un bécher. Ça, c'est un bécher, ça. Ah, je savais pas que c'est ça que ça voulait dire. Fait que Beaker, tu peux te connecter sur Facebook puis YouTube avec ça, mais tu peux aussi te connecter sur une longue adresse Beaker OK. de Hyper. Puis là, ça va trouver des gens qui ont cette boîte-là dans le réseau. Ça va fouiller, somehow. Puis là, ça va. Ben, c'est comme un site web. Fait que tu downloads juste la liste de ce qu'il y a dans la boîte. Puis après ça, comme n'importe quel site web, tu dis, je veux l'index. Donne-moi la page. Après ça, donne-moi OK. les images dans la page. Puis là, tu vas les downloader. Mais là, à partir du moment où t'es là. Fait que tu peux, pas obligé, peux cocher ou OK, décocher, là, mais mais tu peux partager. devenir toi aussi partager cette boîte-là. Fait que si, mettons que tu veux faire un site, t'as peur que. Parce que t'es un militant chinois, puis t'as peur que le gouvernement il bloque ton site. Puis avec un site web ordinaire, c'est facile. Le gouvernement il trouve la compagnie qui l'héberge, puis il dit enlève ça. Puis là, ben le site il n'existe plus. Mais là, si tout le monde qui a visité le site a une copie du site, ben là, Le site, il est partout. Fait que là, ça va être bien, bien tough de le dire que le gouvernement réussisse à l'enlever. Parce que là, les gens sont potentiellement éparpillés dans le monde, puis tout ça. Mais là, tu vas me dire, ouais, mais là, si je download la recette de Narf, mais je la download de Joe Blow là-bas, comment je sais que Joe Blow, il l'a pas modifié, la Ouais, c'est recette? ça. Comment je sais que c'est la même recette officielle? Ben, tout ça est Je t'écoute encore. encodé. Tout ça est encodé d'une manière que c'est prouvable, dans le fond, que ça a été comme signé. Fait que moi, quand j'ai écrit ma recette, je l'ai signé qui dit ça, c'est ma recette, c'est la version de Narf. Et c'est la version officielle. Puis si Joe Blow, il essaye de la modifier, puis au lieu de mettre une tasse de sucre, il met 10 tasses de sucre, ça va pas donner le résultat. N'importe qui Mais download après. ça va donner un historique, non? Non, c'est que n'importe qui va le downloader après ça va être capable de lire, de regarder la recette, puis qui dit, ça a été écrit par Narf. Mais là, Joe Blow, lui, il l'a modifié. Fait que là, il va downloader ça, il va faire une procédé de validation, puis là, ça va donner genre, non, ça n'a pas été écrit par Narf, parce que ça OK. compile pas, ça donne pas le même résultat. C'est un espèce de calcul, là. OK. Puis donc, c'est ce qu'il appelle ça une signature numérique. J'ai appris ça comme cette semaine. Puis je trouvais ça fucking cool. Mais Parce qu'est-ce que qui c'est se le contraire passe? de l'encryption. Mais vas-y, c'était quoi ta question? Mais qu'est-ce qui se passe si, mettons, Joe Blue veut vraiment modifier ta recette? Il peut-tu la repost? Il peut, mais tout le monde va savoir qu'elle a été modifiée, que Ok, c'est pas ok. moi qui l'ai écrit. Fait que personne, tout le monde va faire comme, c'est pas bon, ça, delete. Hein? Mais il n'y aurait pas le Il droit peut. de la modifier, il n'y aurait pas le droit de la Ah oui, il remettre? peut. Ok. Mais là, elle va être signée Joe Blow. Oui, Elle c'est sera ça. plus signée Narf. Ok. Oui. Ça s'appelle faire dans Beaker, ça s'appelle faire un fork. Une fois que tu as Ok, downloadé le site t'as de deux quelqu'un, tu versions. peux faire une branche puis dire parce que ça, c'est ce qui pourrait arriver. Ben oui. Mettons que je meurs. Puis ben, mon livre de recettes, il était cool, puis il y a plein de gens qui s'en servaient. Mais là, toi, tu dis genre, OK, ben là, Narf, il est mort. Fait que je veux continuer d'héberger le projet, puis je veux quand même pouvoir rajouter des nouvelles recettes dans le livre de recettes. Puis Ben, maintenant je qu'il est vais. mort, j'ai plus besoin de le respecter, puis je peux lui dire que ça prend deux tasses de sucre de plus. Non, mais ouais, mais tu pourrais surtout vouloir rajouter. Mettons, tu sais, pense-y, c'est plus comme, mettons, une communauté, là. Il y a Ouais, plein de ouais, gens qui utilisaient ça, puis là, tout le monde est comme, ah, zut, on ne peut plus avoir ouais. nos Ouais, mettons recettes. quand un site web disparaît parce qu'il n'y a plus personne qui le host, là. C'est un peu Ouais, sad. ben, c'est ça. Ben, mettons que là, je meurs, puis là, ben, mon ordi s'éteint, puis là, ben, il va jamais plus. Fait que là, vous avez une copie, vous avez toute la copie, fait que, qui sont signées par Narf. Là, toi, tu pourrais faire une fork, puis dire à tout le monde, hey, maintenant, regardez, j'ai le nouveau. Puis là, la communauté ensemble s'entendent pour dire, genre, OK, ben, on va maintenant utiliser celle d'Anne-Marie. Ok. Puis là, ils vont tous ramasser ta copie, puis l'héberger eux autres aussi. Puis là, elle sera plus. Mes modifications vont être encore signées à moi, mais toutes les nouvelles choses que tu as changées vont être signées par Anne-Marie, mettons. Ah, mais c'est ça fait une trail de modification. Ouais. Ok, comme Si Wikipédia. tu désires la conserver, parce que tu pourrais aussi l'enlever, puis là, ça va dire Ça que va c'est tout toi être qui mon l'as nom, fait. là. Ouais, Ouais. ok. Cool. Fait que là, j'explique simplement parce que tu sais, j'ai lu beaucoup, mais j'ai pas comme. Je suis pas pro de Hypercore puis de Beaker. Puis là, c'est ce qui amène à. Fait que ça, c'était Beaker pour un browser, des sites web. Mais ça, j'aime ça By the way, pour ton... Oui. c'est vraiment facile de se créer un site web avec ça, parce que le browser, c'est aussi l'outil pour créer et héberger un site web. Oh, shit, Beaker fait tout. C'est comme si Firefox te permettrait de te créer un site web et de l'héberger direct sur ton ordi. Bon, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que ton ordi reste allumé, puis il faut que tu laisses Beaker ouvert. ok. Ouais, Mais mais quand même. ouais. C'est Cool. encore un peu wonky. J'ai fait des tests. J'étais capable facilement les ordis de mon réseau. Mon autre ordi, j'étais capable d'envoyer des fichiers. Je m'en servais pour m'envoyer des gros fichiers, mettons, directement. Ça marchait bien. Faire des petits sites web comme ça. Mais d'y accéder de l'extérieur, ça, j'ai eu plus de misère. Ça marche pas tout le temps. Mais ils sont en train de travailler là-dessus. Et le problème, c'est nos routeurs. Nos routeurs sont faits pour nous protéger avec un firewall. Là, ce que tu veux, c'est être capable de comme passer au travers pour que les messages puissent quand même se Mais passer. le peer-to-peer, c'est pas un peu dangereux aussi? Mettons que c'est un virus, puis tu le ramasses, là. Ouais, mais ça, c'est... Ouais, c'est ça, Ça, c'est... Le contenu de la ça, c'est boîte, il est downloader des choses signé. sur Internet, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah C'est ouais. comme... Tu sais que personne a modifié le contenu de la boîte. Ou s'il a été modifié, tu le sais, puis là, tu vas pas l'ouvrir. Mais après ça, il faut que tu fasses quand même confiance à la personne qui a signé. Ouais, c'est C'est ça. comme si OK. moi, je te fais une... Re... Si moi, dans ma boîte, j'ai mis une recette de marde qui dit dans ton gâteau, mets du caca. Ben, comme, tu vas t'en donner la recette, ça va être... Tu vas savoir que c'est la recette de Narf, mais après ça, c'est peut-être qu'il faut pas faire C'est confiance à la Narf vraie non plus. recette de marde. Ouais. Oui. Fait que, Mais ouais. j'aime ça à cause de ton exemple d'activiste chinois. Parce que. Ben, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi que ça existe? Mais c'est ça, parce que je veux dire, les sites justement de whistleblowing, genre chinois, pis tout, comme. Si tout le monde les host, ils pourront pas sacrer personne en prison, tu sais. Je sais pas, là, je me dis, si t'as 300 000 appareils disséminés à travers le monde qui hostent le site, tu vas pas aller toutes les chercher chez eux pour les sacrer en prison. T'sais. Ouais, Fait c'est que comme j'aime ça. BitTorrent, J'aime ça. c'est quoi le... Mais comme le moteur de recherche de Torrent, genre, ils se font tout le temps fermer, là, genre BitTorrent, puis Oui, genre mais c'est pour ça PowerPay, puis tout. Mais il le en recrée peer-to-peer tout le temps des nouveaux. disparaîtra pas, t'sais. Le fichier va jamais disparaître. Une fois que tu as l'adresse, le fichier magnet ou C'est le ça qu'on appelle magnet le link. tracker? Quand t'ajoutes Je pense des. que le tracker, c'est la liste de tous les liens qui dit genre, OK, tu peux downloader ça, voici telle adresse. Mais une fois que tu as l'adresse, tu n'as plus besoin du tracker. Je Ok. pense. Écoute, je suis pas sûr. Ouais, je sais pas. C'est tous des longs strings de trucs, genre, qu'il faut que t'ajoutes dans. Parce J'utilise qu'il y a encore comme, tu sais, il y a BitTorrent. deux parties. Il y a tout aussi une manière, puis ça, HyperCore, il y a la même affaire, c'est... Comment tu fais pour trouver la personne? Quand tu as son Ouais, si adresse, tu veux quelque son gros chose, paquet de ouais. chiffres, mais comment tu fais pour savoir c'est quel ordi dans l'Internet au complet? Ouais. BitTorrent, tu parles de tracker, c'est peut-être ça qui traque. HyperCore, ils ont le concept de swarm. Fait que tu te Ah. connectes au swarm. Puis ça, c'est plein de choses. Je pense que ça reprend le mécanique comme un BitTorrent, mais ça a aussi les participants sont aussi. T'sais, toi, tu vas aussi aider à trouver les autres. Fait comme quand tu cherches un fichier, t'es comme genre, hey, je cherche à me connecter sur cette boîte-là, j'ai l'adresse ici. Y a-tu quelqu'un qui la connaît? Tu vas demander à plein de gens. Puis là, quelqu'un va dire, ah! Oh! Moi, je connais quelqu'un qui connaît le truc. Puis là, plou, plou, plou, puis il te connecte. Puis là, tu finis par te connecter sur mon ordi chez nous, qui a ma recette OK. en boîte. Ah, mais j'ai pas non plus besoin de te trouver toi, dans le fond, j'aurais juste besoin de trouver quelqu'un qui a ta recette. Oui, C'est ça, fait que on n'est pas obligé effectivement. de scour the internet au complet tant qu'il y a quelqu'un quelque part qui a ta recette. Ben, c'est qu'après Cool! ça, d'habitude, la personne qui a la recette va aussi savoir de où est-ce qu'elle l'a ramassée, puis, tu sais, ils peuvent se... C'est ça, c'est le swarm. Fait qu'une fois que t'es connecté, c'est facile de demander, genre, ah, moi, je connais lui. Moi, j'ai une copie. Et by the way, je sais que lui aussi, il a une copie. Fait que là, tu te connectes aux deux en même temps, puis tu peux downloader super vite. Comme BitTorrent. Tu peux te connecter. BitTorrent, c'est quand tu downloads, souvent, t'es connecté à genre 30 personnes en même temps, là. Pour ça que Ouais, je ça sais va plus si c'est super encore vite. marqué, mais je me rappelle quand je downloadais des torrents quand j'avais genre 14 ans, mettons, là. Sur les premiers trucs de torrents, ils te montraient, t'avais un petit drapeau à côté des trackers, genre. Oh, Puis ouais, ça, il reste j'aimais ça. Il y encore. a encore ça? Ouais, j'ai pas regardé C'est comme un peu récemment, caché, là, mais. là. Ouais, je trouvais ça cool de voir comme, ok, ben. Il y a quelqu'un en Suède qui aussi a rippé l'album de Nightwish puis qui me l'envoie. Yay! Ou qui en a juste download une copie, puis qui Oui. l'envoie, Oui. qui transfère la même copie, puis la même copie. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, le trois quarts, c'est des adresses américaines, mais il y en avait tout le temps une couple d'autres. Puis je sais pas, moi, ça me donnait un sens de genre, on est une grosse communauté, tout le monde entier, pour pirater de la musique, mais quand même. Yeah. Quoi? Hey, je sais même pas de quoi ça a l'air, Monster Musume. Gab, j'ai pourtant pas l'impression que c'était à ton style de jeu, tu sais. Mais. Mais tu peux Oh my god, il y a un manga puis il y a un animé. Of course, ouais, je peux plus. flatter ton PSP. Tu peux faire. Non, juste la Vita. Parce que la Vita, c'est l'avant puis l'arrière, là. Je sais pas si j'appellerais ça flatter, mais en tout cas. Branler ton PSP. C'est ça. Peut ouais. C'est ça. Puis Ah, dire oh, tu qu'il était gros. blaguais, mais là, je stresse quand même. Il y a l'air d'avoir du combat, pis tout, comme. Who knows? C'est peut-être bien. Là là. Pourquoi on parle de ça? Parce qu'il y a Fait que quelqu'un ça, qui a c'était décidé de les Beaker. ramener dans le chat. Puis là, je Cool! sais pas, on commence à être tard, mais je suis pas encore rentré dans les bouts intéressants. Hein! Ben là, En tout cas, ben, je j'ai pense déjà que je vais intéressé, m'arrêter moi. là. Ben, c'est pour toi. Il y en a un. L'autre application que je vais parler la prochaine fois, c'est Cabal. Qui utilise la même technologie, mais pour faire du chat. Fait qu'on en reparlera une autre fois. Oh. Qui a aussi, lui, qui a des affaires de modération intéressantes. Que la semaine passée, tu sais, t'as tenté d'en entendre parler. Fait que, ouais, si vous voulez, si ça vous intéresse de participer là-dedans, Beaker, tu peux downloader ça. Fait que tu downloades ça, puis tu peux te créer ton site web. Puis il y a comme des trucs pour l'éditer facilement, faire des liens, tu te crées tes fichiers, tu mets tes liens, tu drag and drop des fichiers, des images. C'est tout vraiment plus facile parce que tu travailles pas sur un serveur, tu travailles sur ton ordi. Genre, tu drag and drop dans Beaker, tu vois ta liste des fichiers, puis là, quand tu veux mettre un fichier dans une page, tu veux juste la mettre, Fait puis qu'il n'y a pas c'est. tant d'interface dans Ben, quand t'ouvres oui. l'adresse, ça a l'air de quoi, mettons? Ben, ça a l'air de ce que tu veux. Je veux dire, c'est un site Ouais, c'est ça, web, là. mais. Ok, ouais. Non, mais c'est que moi, je sais pas coder un site web. Ouais, ben c'est ça ce que je veux dire, c'est que ouais, ben si tu veux, c'est que Beaker supporte l'encodage Markdown par défaut. Ok. Au lieu de faire une page HTML, tu peux le faire une page Markdown, puis là il va te la mettre belle. Puis Markdown, ben c'est la même affaire que tu utilises pour Joplin. Ouais, c'est ça. Ou n'importe quoi, là. Exact. Les beaucoup de forums que tu peux mettre ou sur Discord, là, tu sais, comme quand tu mets des petites étoiles pour mettre en gras puis des choses comme ça, là. C'est Ça, ça. c'est Markdown. Puis, si t'es capable de faire ça, ben, t'es capable de faire un site web. Yay. Fait que c'est ça. Puis, c'est sûr, comme je disais, c'est encore très expérimental. Il y a plein de trucs un peu bizarres. Il n'y a pas moyen de dire que, genre, t'es là. T'sais, mettons, je fais un site web sur mon ordi. Après ça, je veux le modifier sur mon autre ordi. Ben, je peux pas vraiment. Ah, oh, il y Faut a que comme j'en une fasse. authentification reliée à Parce que ton chaque browser. or... y a pas t'as pas un compte. Ouais, c'est ça. Chaque ordi est unique. Ok. Fait que tu peux pas dire Si ton genre ordi celui-là c'est la t'es même. faite, par exemple? Ben si quelqu'un d'autre en a une copie, ça va, tu peux redownloader la copie, faire un fork puis continuer à éditer le fork. Ok, ouais. Mais effectivement, il faut que tu redises à tout le monde de changer leur adresse ou que tu utilises le DNS qui est la même chose que pour les serveurs normaux. Mettons que quand tu écris on a juste une vie.ca, l'adresse en arrière, elle peut changer. Mais les chiffres en arrière, ce que je veux dire, c'est que les chiffres en arrière pour te connecter à notre serveur peuvent changer. La preuve, c'est que je l'ai changé plusieurs fois. Mais l'adresse, on a juste une vie.ca, elle marche tout le temps. Parce que quelque part, il y a un annuaire qui dit, quand tu cherches on a juste une vie.ca, va à ces chiffres-là. C'est Ok. l'adresse IP, là. Ouais. Va à cette adresse IP-là de serveur, puis là, le serveur va te donner les fichiers. Tu peux faire la même chose avec Beaker, je pense. À vérifier. Fait que Cool. s'il y en a qui nous écoutent, ça leur tente de patenter un petit site web, puis qu'ils veulent nous l'envoyer, Je vais pouvoir vous envoyer mon petit site web de merde qui est juste une page de test puis 3-4 fichiers que je voulais transférer d'un ordi à l'autre. Ah, une autre utilisation cool. Eh ben, je vais juste finir. Donc, vous pouvez nous le partager puis on va se les envoyer puis ça va être cool. Ben oui. Faut faire ça sur notre Discord. Oui, venez sur notre Discord. Allez sur notre site web, on a juste une vie.ca pour le lien. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, on pourrait hoster nos podcasts là-dessus. Oui. Ben oui, parce que c'est Faudrait juste que comme. l'un d'entre nous garde son ordi ouvert tout le temps, là. Ben oui, qu'est-ce qu'on pourrait. Mais pas nécessairement, parce que si je garde mon ordi ouvert, puis après ça, toi, tu l'ouvres, ça va updater ta copie. Puis là, on a. Fait que là, tant qu'un de nous deux est ouvert, ça C'est ça. fonctionne. Puis là, quelqu'un d'autre là. Et c'est ça, bien plus rapide que d'essayer que quand je les mets sur Internet Archive, puis whatever. Ah ouais. Après ça, il y a aussi moyen de prendre un serveur puis de dire genre host ça. Mais comme je dis, c'est encore très expérimental. Fait que c'est pas. Qu'est-ce que je voulais dire, l'autre affaire? Une Cool. autre utilisation cool qui était mentionnée, c'est les hôpitaux. Ah. Sais-tu pourquoi que les hôpitaux utilisent encore les fax? Pour pouvoir authentifier d'où ça vient, genre, c'est-tu pour ça? Non. Ah, C'est ok, parce que non, je sais les pas. hôpitaux, en tout cas dans le pays de la personne qui écrivait l'article, je ne sais pas si c'est le Canada ou si c'est Ouais, un ok. autre pays, les hôpitaux n'ont pas le droit de transmettre à un tiers ton dossier médical. Ouais, Il peut, ça faut qu'ils le c'est. transmettent comme en main propre à l'autre hôpital. Puis je Mais pense comme qu'il faut tu que le tu ailles sais, approuver ça, genre. quand tu envoies un email, le email va transiger de serveur en serveur, ou en tout cas va passer par au moins deux serveurs. Si tu l'envoies à un médecin qui a son adresse, c'est gmail.com, ben là, c'est sur le serveur de Google. Puis ça, les hôpitaux sont comme non, j'ai interdit. Tu peux pas le mettre sur Google Drive parce que ça, c'est le serveur de Google. Tu peux pas l'héberger chez hébergeur gentilhébergeur.com qui te fait ton site web hôpitalrosemont.qc.ca parce que c'est comme non, c'est encore un tiers. Fait qu'il faut que tu l'envoies direct. Puis la seule affaire qui permet ça, c'est genre de l'envoyer par la poste ou scellé ou de le faxer. Et c'est pour ça que c'est si compliqué. Bon, c'est moins en moins vrai, là. Maintenant, on a notre dossier médical par Internet, là. Les médecins sont capables d'y accéder. On a ça au Québec. Mais c'est sûrement hosté sur toutes leurs propres affaires, là. Mais c'est probablement, ouais, c'est ça. Ouais. Puis la personne qui parlait de ça, c'était probablement dans un autre pays, peut-être aux États-Unis ou je sais pas. Puis Interesting. là, ce qu'il disait, c'est que là, avec Beaker, puis le protocole HyperCore, c'est que là, ça permet des envois directs. Fait que ce que tu envoies à l'autre personne, tu envoies par Gmail la clé ou tu y dis par téléphone, tu l'appelles puis tu dis, OK, va à tel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis là, la personne va télécharger ton fichier médical. Puis ça a été une connexion directe entre le médecin, l'ordi du médecin 1 puis l'ordi du médecin 2. Ça n'a pas passé par nulle part ailleurs. En tout cas, c'était encrypté en chemin. Fait que, yeah. Plein de choses nouvelles et très expérimentales. J'insiste là parce que, comme, attendez-vous pas à downloader ça puis à avoir. C'est accessible, Pour que ce soit facile, compliqué. ouais. C'est pas compliqué. L'interface est belle. T'es pas en train de faire du terminal, mettons, là, pour faire fonctionner ça. Ça ressemble bien gros à Chrome, en fait. Mais ouais, ça. L'interface d'hébergement est un petit peu bizarre. Ça va Pas, venir. le UX est peut-être pas top-notch, mais comme j'ai eu bien du fun, puis je faisais des petites pages, puis je les envoyais d'un ordi à l'autre, puis je transférais les fichiers. En tout cas, puis mes autres sujets de cabale et de Linux stuff, mes amusements avec Linux, ça sera pour une autre fois. All Parce que là, right. il est 33 minutes passées à la fin du podcast. Oui, mais on a commencé tard. Moi, c'est bien que ça me stresse pas. Ouais, mais moi, mon but, c'est quand même qu'on finisse à 10. puis pas faire des podcasts de 2 heures, parce que sinon personne nous écoute. late. Et on a eu des On a problèmes dit. techniques, là. Fait Bon, fait que. Ah oui, c'est vrai. j'espère Il que va ça fera pas falloir trop de guère que je les montage. coupe au Voilà. montage ou pas. Ou pas. Je pense que ça n'a pas été trop pire. Fait que si vous avez écouté en podcast jusqu'à maintenant, Ah j'espère que vous avez utilisé Fast Forward pour skipper les bouts oui. de plates que je parlais plus. Parce que quand je parle pas, c'est les bouts de plates. Quand je parle, c'est les bouts de le fun. Puis C'est ça, Anne-Marie, elle oui. la compte pas. Bon, I guess que tout Moi ça, qui fais c'était en mon mot de plus la fin. exprès, moi qui T'as-tu fais un mot de exprès la pour fin? continuer la conversation pendant que t'es pas là, juste pour pas qu'il y ait de silence, genre. Oui, Ah. j'entendais. Bonne nuit, T'as-tu un mot de la Dragnar. fin, Merci d'avoir Anne-Marie, été là? là. Une petite J'ai-tu un affaire, mot de vite, la vite. fin? Un petit, là. Oui, tant qu'à faire. Minesweeper.online, c'est un jeu pour jouer à des mineurs, mais qui gamifie le démineur, puis avec plein de mods de démineurs, puis c'est vraiment hot. C'est vraiment bien. Il y a genre, il y a le mode no guessing où ils te garantissent que t'as un board que t'auras pas à prendre une chance 50-50. Ah, oh, ça Fait que c'est cool. tout se fait. Ouais, c'est ça c'est très cool. Fait que ça veut dire que toutes les boards se font avec ton power de tête. Genre, mais c'est dur, mais ils se font. C'est très cool. Puis oui, C'est c'est comme grâce à Mad. JC qui est dans le chat, qui m'en a parlé, puis que j'étais comme des mineurs. Mais c'est parce que c'est vraiment pratique à faire quand t'es dans un meeting à job, mettons. Ou des choses comme ça. ou dans une conversation de groupe. Ou tu sais, comme moi, j'ai tout le temps besoin de gosser avec quelque chose. Fait que je pourrais tricoter, mettons, mais je peux aussi faire du démineur pendant. Ouais, c'est ce que j'allais dire, mais tu peux te pogner un bout de fil, puis là, le taponner ton bout de fil. Moi, je Ah, mais taponne ça. ça, je taponne cette clé USB, puis j'enlève le bouchon, je remets le bouchon, Ça marche juste j'enlève le bouchon. un temps, moi, comme. Mais c'est pour ça que j'en ai beaucoup, j'ai une batterie ici, un thermomètre, parce que quand j'étais malade, bon. Ou quand t'enregistres un podcast, ben J'ai oui, juste hein. fait des levels easy. I swear. Ça fait de la moins bonne radio quand même. Ah, On je le sais. sait. Je sais. Ben. Ça paraît pas quand on est trois. Ha ha Ah. ha. Sauf si Mais vous. Sauf presque. si toi t'es là-dessus pis Blob il est sur Genshin Impact. Là, il est sur Genshin pendant qu'on arrête juste pour de vrai. Que Bruno le faisait tout le temps. Gab le faisait tout le temps. Mais non, ce jeu-là, il existait pas quand on avait Gab et Pruno sur le Non, ben planète. pas Genshin, mais. Ah, ok. Je suis comme. Non, non, non, non. Gab il jouait à Spelunky. Tout le temps, me semble, Ah, quand ça, on ouais. faisait pas de temps. Ça, ouais. Et donc, si vous avez aimé ça, ce podcast-là, puis T'en que avais vous pas voulez savoir de. la suite de T'en toutes avais. les affaires que je voulais raconter, vous pouvez Oui. vous abonner. On est disponible en podcast dans toutes les apps de podcast, je pense. On est aussi sur YouTube et sur Twitch et sur PeerTube. Tous les liens sont sur notre site web, onajustunevie.ca. Si vous voulez nous envoyer des emails, c'est info@onajustunevie.ca. Merci à tout le monde qui était dans le chat. Oui, On merci a. d'avoir été là. Vous pouvez venir nous jaser sur notre Discord. Le lien est sur notre site web. Merci à Anne-Marie d'avoir été avec moi ce soir. Merci à Marc. Et on se retrouve la semaine prochaine. Parce que on On a a juste juste une une vie. vie dans le Chillax Podcast. Yeah. Quand on fait le Chillax Podcast, faudrait que j'utilise une autre toune. Ou demande à Blob de refaire la toune, notre toune thème, mais genre en half-time, comme 2 fois plus longue avec plus de vaporwave en arrière, genre. Moi, j'y avais demandé, peux-tu nous la faire en reggae Oh, mais là, c'est compliqué. Pitch. Ah ouais, ben oui. slow? Ouais. Ouais, c'est une bonne idée quand même. Ouais, c'est ça, avec des... Faut falloir qu'ils réenregistrent des percussions, par exemple. C'est du travail, c'est les percussions.